Bonjour à tous, on est très très heureux de voir tout le monde pour cette première séance du séminaire pratique en ontologie et très heureux donc d'accueillir Bruno Latour à Nanterre à cette occasion. Je vais juste donner quelques mots sur l'organisation de ce séminaire, son origine, et puis rapidement laisser la parole à Camille et Daphné, donc Camille Chamon et Daphné Leroux, avec qui nous avons organisé ce séminaire. Concernant les thématiques les trois thématiques qui ont guidé le programme, puisque comme vous l'avez compris, c'est la première séance d'un séminaire annuel, donc ils vont à cette occasion présenter également les prochaines interventions. Alors on remercie les institutions qui nous ont permis d'organiser ce séminaire, le laboratoire Sophia Paul, représenté ici par son directeur Stéphane Dufoy. Les départements de philosophie et d'anthropologie, et également la présidence de l'université qui nous a permis d'avoir cette belle salle. L'origine en fait de ce projet, c'est au départ avec Camille tout simplement, on a fait des cours ensemble. L'année dernière, après un cours, on a découvert qu'on avait des thématiques communes dans nos recherches. Alors moi je travaille sur les pratiques sportives. Je termine ma thèse sur les formes de subjectivité dans les pratiques sportives en philosophie. Et Camille donc, travaille sur notamment l'agency et le concept, est intéressée par le concept d'existence. Il nous complétera si jamais les choses sont à compléter. Et puis, une fois que Daphné a brillamment lu son concours, elle nous a rejoint dans cette équipe. Daphné, elle travaille sur les rituels. Elle démarre une thèse sur les rituels, à la fois en anthropologie et philosophie. Sur ces entrefaites, il y a eu un événement important cet été, qui était donc une semaine entière de colloques à Cerisy, organisé donc par Pierre Charbonnier, Gilles Salmon et Peter Skeffich. Et ça a été aussi un moment très important pour nous, qui a recadré un certain nombre de choses et alimenter notre réflexion. Ça a été un moment très important et donc il y a une bonne partie des intervenants que vous allez écouter dans ce séminaire qui étaient aussi présents à Cerisy, un peu moins de la moitié en tout cas. Et puis Pierre Gildas et Peter interviendront également dans ce séminaire. Sur ce séminaire, je voulais simplement signaler qu'on souhaiterait le faire suivre au mois de mai, début mai 2014, d'un colloque qui ne serait pas tout à fait un colloque, mais un moment de réflexion et de débat pour que les différents intervenants qui vont donc parler à tour de rôle toutes les semaines puissent parler entre eux. Parce que la moyenne d'un séminaire comme ça, tous les 15 jours, c'est que les intervenants parlent pas entre eux, alors que le but d'un séminaire, c'est de créer une communauté de réflexion autour d'objets communs. Et donc, on souhaiterait, comme ça, début mai, organiser un colloque pour que les différents intervenants ouvrent un dialogue sur leurs objets, leurs problèmes communs. Je voudrais également signaler qu'on va faire circuler parmi vous une feuille d'émargement. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est intéressé de savoir qui vient à ce séminaire, qui est intéressé par ces questions. Et puis, il y a un truc qui fait un petit peu peur sur cette feuille, c'est « j'autorise ou je n'autorise pas les organisateurs du séminaire à utiliser les enregistrements audio et vidéo. » Parce que c'est enregistré et on va peut-être mettre ça en ligne. Et donc l'université nous a demandé de nous couvrir au sujet des droits à l'image. Donc voilà, vous pouvez ne pas autoriser. Si vous le souhaitez, voilà, faire circuler ça. Dernier point, avant de laisser la parole à Camille et Daphné, on est très heureux d'avoir autant de monde pour cette séance, mais contrairement aux apparences, contrairement à cette salle un peu impressionnante, c'est un séminaire, c'est pas un colloque, c'est pas une conférence, donc tout ce que vous allez entendre, y compris aujourd'hui, c'est le résultat provisoire d'un travail en cours. Et à aucun moment, quelque chose que vous pourriez citer en disant « Ah, j'ai entendu tel intervenant dire la chose suivante. » Donc, vos interventions sont les bienvenues, évidemment, c'est l'objet d'un séminaire, mais pour autant qu'elles nous aident à avancer sur nos objets et nos problèmes communs. Donc, résultat provisoire des travaux de recherche en cours. Sur la forme, on va donner à peu près 45 minutes d'intervention à Bruno Latour, puis ensuite une trentaine de minutes donc à Patrice Manillier, que je n'ai pas encore présenté, et qui est donc notre collègue ici au département de philosophie. 30 minutes donc au répondant de Patrice Manillier, et puis ensuite 30 minutes avec vous, avec la salle, pour toutes les questions différentes. J'aurais aimé qu'on puisse faire un tour de table, mais je pense qu'aujourd'hui ce serait compliqué. Donc si vous voulez, avant de prendre la parole, vous présenter, vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Si, éteignez vos téléphones portables et puis allumez le micro quand vous voulez parler, parce que comme ça vous serez aussi enregistré. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ben, donc je laisse tout de suite la parole à Camille. Merci. Alors, je vais d'abord présenter les enjeux du séminaire. Les enjeux, comme je vous en propose trois, je propose trois enjeux que j'énonce d'abord rapidement et qu'on détaillera ensuite avec la fin. Donc, d'abord, premier enjeu, si vous voulez, de ce séminaire, un enjeu relativement modeste en soi, puisque nous voudrions simplement essayer de présenter un certain nombre de théories anthropologiques contemporaines, de manière à en évaluer les intérêts et les enjeux philosophiques. Donc c'est la raison pour laquelle il s'agit bien d'un séminaire qui se veut explicitement interdisciplinaire ou transdisciplinaire et constitue donc à la croisée de la philosophie, de l'ethnologie et de la sociologie. Deuxième axe ou deuxième enjeu, on voudrait également s'intéresser tout particulièrement à la portée ontologique, de ces analyses, qu'il s'agisse d'ontologie sociale ou bien qu'il s'agisse d'ontologie tout court. Donc on posera donc la question à la fois dans sa simplicité mais également dans sa radicalité, hein, c'est-à-dire en quoi ces analyses anthropologiques ont-elles une portée ontologique, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut entendre à ce moment-là par ontologie. Donc, troisième axe, troisième enjeu, toujours sur la base d'exemples de théories anthropologiques, on voudrait analyser les rapports qu'ils entretiennent, qu'ils créent entre les différentes pratiques et différentes subjectivités ou différents modes de subjectivation. Donc, c'est-à-dire la manière dont des pratiques concrètes façonnent en réalité des subjectivités. Donc ce séminaire, on voudrait qu'il puisse prolonger une discussion qui a déjà lieu depuis un certain moment entre certains philosophes et certains anthropologues, une discussion qui a lieu sur des questions proprement ontologiques, hein, savoir qu'est-ce que signifie être, qu'est-ce que signifie une existence, etc. Simplement, on insistera particulièrement sur la portée pratique de ces analyses. Si vous voulez, du titre de ce séminaire, pratique et ontologie au pluriel pour pratique et au pluriel pour ontologie, dans la mesure où il s'agit de penser comment est-ce que la pluralité des engagements pratiques, sur lesquels portent les analyses généralement sociologiques ou ethnologiques, s'articule avec le programme du pluralisme ontologique. Donc voilà, je détaille le premier enjeu avant de laisser la parole à Daphné pour les deux autres actes. Donc premier enjeu, je vous l'ai dit, il s'agit d'analyser certaines caractéristiques de l'anthropologie contemporaine. Et il est évidemment impossible dans le cadre d'un tel séminaire de vouloir se pencher sur toutes les approches de l'anthropologie. Et on a choisi de se concentrer sur deux types de tendances, hein, qui nous semblaient particulièrement importantes et surtout philosophiquement très fortes, avec des implications philosophiques très fortes. La première tendance sur laquelle on voudrait insister, il s'agit d'un déplacement de la focale analytique vers le monde humain. On peut le dire de façon très générale comme ça. C'est l'idée que, pour comprendre comment fonctionne un collectif humain, qu'il s'agit d'un groupe, une nation, une communauté, etc., il ne faut pas simplement analyser les relations entre les individus humains, mais analyser également la manière dont ce groupe entretient des relations avec des êtres non humains, au sens très large de ce terme, qu'il s'agit d'objets techniques, d'animaux, d'éléments naturels, environnementaux. Donc un des premiers aspects de l'ethnologie ou de la sociologie contemporaine qui nous apparaît fondamental ici, c'est bien cette manière de resituer les non-humains en général au cœur de l'anthropos ou au cœur du socius, ce qui signifie pour la philosophie, d'étendre ce qu'on pourrait appeler l'être avec de l'homme, c'est-à-dire l'ensemble des relations qu'entretient l'homme, au-delà de l'être avec autrui, au-delà des relations simplement intersubjectives. Donc on essaiera d'en tirer toutes les conséquences théoriques, et notamment à travers deux interventions deux interventions qui auront lieu le 27 novembre, où Sophie Houdard sera notre intervenante, et également en clôture de ce premier semestre, hein, le 8 janvier, avec Frédéric Keck. Deuxième tendance, donc toujours ce premier enjeu d'anthropologie contemporaine sur laquelle on voudrait s'attarder, il s'agit d'une tendance qu'on pourrait se risquer à qualifier de post-critique, qui tend à prendre très au sérieux le discours, disons, indigène. Enfin, c'est un point tout à fait intéressant pour nous, puisqu'il pose des problèmes théoriques fondamentaux, et ces problèmes sont au moins de trois ordres, je les énumère rapidement. Premier type de problème, des problèmes épistémologiques d'abord, puisqu'il s'agit d'insister sur le hiatus qui existe entre, d'une part, les catégories indigènes, encore une fois, entre guillemets, j'entends ici les représentants des pratiques analysées, donc le hiatus entre ces catégories, et d'autre part, les catégories d'anthropologues. Donc, et c'est ce hiatus qui fait de l'épistémologie anthropologique une épistémologie tout à fait particulière, dans la mesure où elle se doit d'être en reconfiguration permanente, au moins théoriquement. Évidemment, ce point n'est pas sans poser des difficultés au statut même de la discipline. Premier enjeu, un enjeu, c'est l'épistémologie. Deuxième type, un problème politique, dans la mesure où cette nécessité de prendre au sérieux ces discours, elle se double largement d'une revendication par les individus eux-mêmes, par les praticiens eux-mêmes, de leur catégorie propre. Donc l'évolution épistémologique ici se double en réalité d'une prise de position politique. Et troisième, dernier enjeu, un problème écologique, puisque c'est l'intérêt du discours écologique, plutôt replacer les relations entre humains et non-humains au cœur même de la théorie sociologique. Donc voilà la deuxième caractéristique qu'on nommerait globalement symétrique, hein, caractéristique symétrique de l'anthropologie, sur laquelle on voudrait revenir, et sur laquelle on s'attardera particulièrement dans deux séances, celle de Pierre Charbonnier, hein, celle de Pierre Charbonnier qui aura lieu le 30 octobre, et celle de Gildas Salmon, le 11 décembre, qui présenteront tous les deux une généalogie qu'on peut entendre par tournant ontologique de l'anthropologie. Donc voilà pour le premier enjeu descriptif des anthropologies contemporaines, et je laisse maintenant la parole à Daphné pour les deux autres types. Donc, le deuxième enjeu de ce séminaire, c'est la question à proprement parler ontologique. Les problèmes qui ont été évoqués par Camille ont poussé un certain nombre d'anthropologues à repenser quelques notions de métaphysique traditionnelle, et notamment la question de l'être elle-même. Donc, un des enjeux de ce séminaire, c'est d'analyser cette démarche autour des questions suivantes. Première question, c'est en quoi ces analyses ont-elles réellement une portée ontologique? Et la deuxième question, c'est pourquoi faut-il aujourd'hui en passer par l'ontologie? Poser ces questions, ce n'est pas, de la part du philosophe, se placer dans la position du gendarme de la métaphysique, celui qui pourrait dire si les anthropologues utilisent à bon escient ou non la notion d'être. C'est plutôt voir que certaines analyses empiriques donnent un matériau fécond pour renouveler la question de l'être. Pourquoi une telle problématique ontologique a-t-elle émergé au sein des sciences humaines? Il me semble qu'il existe trois types de réponses à cette question. Et la première, c'est que cette problématique ontologique permet d'échapper à la notion de croyance. Jusque-là, on réduisait le discours indigène au statut de croyance, ce qui tendait à le déréaliser. Or, adopter le vocabulaire ontologique, c'est ne plus confondre le discours des autres avec des représentations du monde, quand nous serions à même d'en saisir la réalité. Par ailleurs, on peut dire que la problématique ontologique a émergé au sein des sciences humaines parce qu'elle cherche à rendre compte de l'étrangeté d'un certain nombre d'objets quand on les soumet à la question « qu'est-ce que c'est ?». Cette étrangeté implique de voir que « être » ne signifie pas la même chose pour tous les objets et que plutôt que d'avoir une définition unilatérale de l'être, il faut associer à la question « qu'est-ce que c'est ?» la question « comment ça marche ?». Cela met donc en valeur que les choses ont des modes d'être différents. Par exemple, être pour un animal, ça n'est pas être pour un humain, ça n'est pas être pour un projet de loi, ça n'est pas être pour un phonème ou pour un signe, problème sur lequel Patrice Maniglier reviendra peut-être tout à l'heure. L'analyse empirique rend donc compte de façons d'être ou de modes d'être hétérogènes. Cela doit donc nous amener au cours de l'année à poser la question du pluralisme ontologique. C'est une question qui est centrale pour nous et qui sera traitée spécifiquement au second semestre par les interventions de Patrice Maniglier, de Jean-Michel Salansky, de Peter Skyfish et de Eduardo Vivero Castro. Enfin, on peut dire que le modèle ontologique émerge au sein des sciences humaines parce qu'il permet de s'intéresser à la façon dont un système social tend à privilégier tel ou tel mode d'être. Le modèle ontologique permet ainsi de décrire aussi des ontologies sociales, c'est-à-dire de décrire les types d'êtres qui participent de la vie sociale et les rapports que ces types d'êtres ont entre eux. C'est là une tendance qu'on retrouve chez un certain nombre d'auteurs contemporains, comme Descola, Searle, ou d'une certaine manière Bruno Latour qui est ici et qui nous en parlera peut-être tout à l'heure. Auteurs qui parlent donc d'ontologie pour décrire la stabilisation de certains rapports entre des êtres hétérogènes au sein d'une société. On abordera cette question notamment au second semestre avec Baptiste Gilles, mais aussi au premier semestre avec Stéphane Haber, qui analysera le 13 novembre la pertinence d'une lecture ontologique du capitalisme. Enfin, troisième enjeu du séminaire, c'est la question des pratiques et de la subjectivation. Les analyses ontologiques qu'on vient de décrire sont toujours liées à un certain nombre de pratiques concrètes. Par exemple, un projet de loi suppose d'être voté et appliqué. Un dieu suppose d'être prié. Un animal suppose d'être chassé, domestiqué. Ce sont là autant d'engagements pratiques qui, soit nous mettent en relation, soit, plus fondamentalement, font être les objets en question. La démarche analytique doit donc se charger d'une nouvelle question. Qu'est-ce qu'on fait être dans tel ou tel contexte ou à travers telle ou telle pratique? Ou plus encore, ces pratiques, si elles font être un certain type d'objet, ne font-elles pas aussi émerger un type de sujet particulier? Il y a donc une nécessité aujourd'hui de lier la question de la pratique à celle de la subjectivation. En entrant en relation avec des entités diverses par l'intermédiaire de pratiques concrètes, les individus se subjectivent. Cela suppose donc une analyse qui prendra en charge trois niveaux. Le premier niveau serait une analyse du mode d'être de la chose. Il faut définir ce que c'est qu'être pour ceux avec quoi on entre en relation. Il faut un autre niveau d'analyse qui serait une analyse du type de relation que nous entretenons avec cette chose. Est-ce une relation de contemplation, une relation de constitution, une relation de consommation, de préservation, etc. Il y a donc besoin, à l'heure actuelle, d'analyser des pratiques empiriques. Enfin, il est nécessaire d'en passer par une analyse de l'effet que ça fait d'entrer dans de telles pratiques. Ainsi, pratiquer un rituel de possession en l'honneur d'un saint ne fait pas les mêmes effets psychiques et physiques que de pratiquer un jeu de ping-pong. Avec la question de la subjectivation, donc, il existe la possibilité de reposer la question du mode d'être des entités d'un point de vue non seulement analytique, mais aussi existentiel et éthique. Et ces questions seront spécialement traitées par Olivier Allard et Grégory Delaplace au cours du deuxième semestre de ce séminaire. Je vais donc laisser la parole à Camille qui va introduire M. Lado. Ah, ou Pierre-Laurent, ouais, en fait, je vais simplement dire quelques mots pour présenter Bruno Latour. Alors, trois informations importantes. Bruno Latour donc, est professeur à Sciences Po Paris. Il enseigne la philosophie, l'anthropologie et également la sociologie selon les contextes et les casquettes qu'il prend. Son dernier ouvrage est intitulé « L'enquête sur les modes d'existence ». Ce n'est pas seulement un livre, mais c'est également une enquête empirique à laquelle les lecteurs sont invités de livrer leur participation. Et donc je vais simplement faire passer par le livre en lui-même et puis juste une information très basique sur le processus selon lequel vous pouvez, en tant que lecteur, participer et améliorer cette enquête sur les modes d'existence en livrant des comptes rendus meilleurs que ceux qui sont disponibles dans mon page sur certains êtres sur lesquels vous seriez spécialiste. Voilà. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Bruno. Simplement, oui, une information. La colonne contribution du site, je suis personnellement concerné, donc c'est pour ça que je me permets de faire un peu de publicité. Donc, la colonne qui vous permet de participer à l'enquête a été très récemment ajoutée, donc il y a 15 jours, et ça marche. C'est un objet intéressant, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site et à poster vos éventuelles contributions. Voilà. Merci. Je ne vais évidemment pas traiter l'ensemble des sujets qui ont été abordés dans les interventions. Moi, j'ai pris au sérieux parce que c'était un séminaire, donc j'ai apporté du matériel empirique pour essayer de discuter d'une question que m'a soumise Pierre-Laurent, que je n'avais pas, j'avoue, réfléchi. J'ai un peu l'impression d'être quelqu'un qui vient d'alcoolique anonyme, parce que j'ai beaucoup utilisé la notion de pratique, et je vous propose de voir ce qui se passe quand on s'en passe. Et donc de savoir si on peut en fait vérifier que l'usage du mot pratique et son usage dans la tradition pragmatique, à laquelle je me rattache volontiers, n'a pas cessé d'être, peut-être a cessé d'être productif. Donc l'argument que je vais essayer de faire en prenant des exemples, c'est qu'est-ce qui est maintenu d'une certaine tradition qui empêche justement la question ontologique de se poser par l'usage de la notion de pratique. Il n'y a pas quelque chose qui a été très utile dans l'histoire de la philosophie et dans l'anthropologie, mais qui n'est pas forcément encore très utile. Donc, le premier, je vais vous présenter quelques exemples que j'ai tirés. D'abord, on m'a dit plutôt d'insister sur les exemples juridiques, donc j'ai fait un exemple juridique, mais aussi quelques exemples artistiques. Pour essayer d'aborder, au fond, une question assez simple qui tourne autour de la question de l'explicitation. Si on peut expliciter dans plusieurs modes, au sens du mode d'existence, là je passe sur beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de dire. Est-ce qu'on ne peut pas renouveler ou se passer même tout à fait de la notion de pratique? C'était évidemment un idéal de peur, aussi bien, bien qu'il ait inventé en partie le mot pragmatisme. Mais là, je pense qu'après, on peut avoir une discussion avec des spécialistes, plus spécialistes de toute philosophie, parmi nous, sur, au fond, qu'en levant l'usage du mot pratique, on va peut-être aussi permettre de donner toute sa place à la tradition pragmatiste, toute la place qu'elle mérite pour l'ontologie, justement. Autrement dit, l'argument, je vous donne l'argument final, mais ensuite vous verrez si j'y arrive ou pas, je ne suis pas sûr, c'est de dire, au fond, le pragmatisme, même celui de Peirce, a été victime du poids d'association du mot pratique qui l'a entraîné, disons, loin de l'ontologie. Si on va de Peirce à Horty, par exemple, pour prendre une histoire trop brutale, ça veut dire qu'on a une espèce de perte continue du rapport à ce que la notion d'ontologie, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui, permet de souligner et de rappeler, comme vous l'avez dit fort bien dans votre introduction, c'est la notion de réalité, non pas celle de croyance. Il y a une espèce de contradiction, en quelque sorte, entre utiliser la notion de pratique et la notion d'ontologie. C'est pour ça que j'ai accueilli avec intérêt le thème du séminaire, comme si l'insistance de la notion de pratique, en tout cas telle qu'elle a été mise en scène dans la théorie de la tradition pragmatiste, dans laquelle, encore une fois, je m'inscris, avait rendu plus difficile le rapport à la réalité qui est souligné, au contraire, par le mot ontologie. Il est évident que, j'en parlerai pas du tout aujourd'hui, mais venant de la sociologie des sciences, j'ai moi-même souffert considérablement de cette espèce de torsion, de pente, de chute que la notion de pratique a donné aux analyses que nous faisions de la pratique scientifique, et assimilée aussitôt à une perte de sa réalité. Donc ça m'a intéressé, donc c'est comme ça que je mets le travail du séminaire, c'est vraiment d'atelier, j'ai présenté des documents, j'ai aucune doctrine particulière sur la question. Est-ce que on ne peut pas revenir un peu sur cette affaire et reprendre la question en disant s'il n'y avait pas la notion de pratique, ce qu'on appelle la tradition pragmatique acquerrait un accès à l'ontologie plus facilement. C'est vraiment un truc grossier. Mais peut-être que sur ces quelques exemples, ça peut fonctionner. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous donne les deux points finaux. Le deuxième point, c'est évidemment que moi j'entends ontologie dans un sens pluraliste. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est, pour arriver à cette opération, est-ce qu'on peut expliciter, rendre explicite, making explicit, selon ce qu'on a familier, dans plusieurs modes. Donc l'hypothèse, elle est très simple, c'est que la notion de pratique, c'est ce qui tombe d'un argument qui explicite dans un seul genre, en quelque sorte. On se dit j'explicite, ça veut dire, par exemple, une évidence, mais j'explicite, pour prendre un exemple de l'éthnométhodologie, les pratiques des gens qui se déplacent dans une ville en les rendant formelles, et que au fond, je vais trouver le formalisme du déplacement de ces gens dans la rue. Et si je n'y arrive pas, ben, j'appelle ça pratique. On voit bien que le terme de pratique est un terme de déficit. C'est parce qu'on n'arrive pas à le formaliser. Si vous pensez à tous ces termes qui sont autour des pratiques, praxéologie, pragmatique, au sens de socio-pragmatique, etc., c'est à chaque fois l'impression qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas expliciter, on ne peut pas formaliser, qui fait que ceux qui ne peuvent pas formaliser disent « oui, mais nous, on étudie les pratiques ». Donc la pratique mène toujours vers un déficit, un défaut, une incapacité en quelque sorte à formaliser. Ce qui veut dire que le terme de formaliser occupe la position non codée, et la position codée, c'est pratique. Donc on a une espèce de baisse continuelle qui oblige ceux qui parlent de pratique à occuper toujours un peu une position inférieure. Puisque l'idéal, ça serait quand même de pouvoir formaliser. Ils disent, ben non, je suis navré, je parle du discours amoureux, je n'arrive pas à formaliser. Je parle des rituels de pratique, des relations de Dieu, c'est pas formalisé. Je parle, c'est ce qui nous est arrivé, des sciences, et je ne peux pas les formaliser. Et avant, donc, vous vous intéressez qu'à la pratique. Et, donc, ça veut dire qu'il y a toujours cette espèce de chute et de déficit, qui est évidemment surassumé par l'ethnométhologie, surassumé par une grande partie de l'ethnographie. Oui, on étudie les pratiques, et c'est bien, mais c'est quand même une surassomption. C'est toujours une situation de... Ça serait quand même mieux si on pouvait formaliser. Donc ça a entraîné, en particulier les études cognitives, les études linguistiques, évidemment en sociologie, cette espèce de passion, disons, pour la notion de pratique et la version positive surassumée d'un déficit. Alors, ça serait bien si on se passait de la notion de pratique, on n'aurait plus à faire cette opération. C'est en gros l'argument. Avec ce petit supplément, qu'est-ce que donne l'explicitation dans plusieurs modes, pas le mode formalisme, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est probablement un mode associé à ce que j'appelle double clic, donc ce n'est pas forcément très important, mais il y a quand même un idéal, disons, on peut faire remonter, vous savez, les notions de pratique, de philosophie grecque, je ne connais pas suffisamment pour la citer, c'est une vieille histoire, on a parlé de contemplation, d'engagement, mais disons une idée qui fait que c'est quand même toujours sous un mode qu'on définit l'explicitation. La notion de réflexivité, qui intéresse beaucoup de gens en sociologie, quand on dit ça manque de réflexivité, moi avec mon étude je vais ajouter de la réflexivité à des gens qui n'en ont pas, je caricature bien sûr, ça veut dire qu'un peintre n'a pas suffisamment la réflexivité qu'il devrait l'avoir, mais que le sociologue de la peinture va lui donner en quelque sorte. Donc là on voit bien que l'explicitation dans le mode du peintre, c'est pas ce qu'on cherche dans ces études-là. Évidemment, la grandeur pour moi de l'ethnométhodologie a été de dire, bah, si, il faut expliciter dans les termes de ceux, vous y avez fait allusion dans l'introduction, dans les termes qui sont ceux des acteurs. Ils explicitent. Ce n'est pas qu'ils sont pratiques par rapport à quelque chose qui serait un idéal de formalisation, c'est qu'ils explicitent. Mais ils explicitent dans des termes qui sont un autre mode. Donc, l'opération que je voudrais essayer de proposer, c'est de dire, si on explicite dans plusieurs modes, ben, on n'a en fait plus vraiment besoin de la notion de pratique qui était toujours le déficit d'une formalisation faite dans un seul mode. En gros, c'est tout ça là. Si on n'a plus à dire, ben, vous êtes un religieux qui avait un rituel très complet d'accès à vos dieux, que moi, sociologue, ou anthropologue, j'ai essayé de formaliser, du coup, on va essayer de chercher des règles d'explicitation et de réflexivité propres à ce mode. Et, c'est évidemment là qui nous intéresse dans l'enquête sur les modes d'existence que j'ai le plaisir de faire avec Pierre Laurent et j'espère avec beaucoup d'entre vous. Le phénomène même de l'enquête est évidemment lié à cette question. Donc, quelques exemples. Un exemple de film. Ça marche pas. Si, ça marche. Il n'y a que des Ah, s'il n'y a pas le, s'il y a pas le, l'appareil, il marchait tout à l'heure. Il faut juste qu'il marche, je pense. Oui, oui. Ben, nous, ça marche. Non, non, non. Non, mais je vais appuyer, appuie sur l'appareil, là. C'est comme à Sciences Po. Non, non, appuie sur la... Mets ta main sur l'écran. Il fait du bruit, il s'intéresse à ce qui se passe avant tout. Voilà, il arrive. Hein. Bon, je reviens à rien. Donc l'exemple que je vais vous montrer, c'est un des exemples qui m'intéresse. Ah, il se passe un truc. Par contre, éteins peut-être. C'est un exemple qui m'intéresse, c'est que voilà un exemple, c'est un puzzle. C'est un petit mouvement de danse que j'ai demandé à une excellente danseuse qui s'appelle Stéphanie Gagnichon de jouer. Parce que il explicite ce mouvement de danse, un concept que j'avais développé dans un article qui s'appelait Manifeste compositionniste, peut-être certains ont lu, qui est précisément l'inversion entre futur et avenir, qui me paraît un moyen, alors je le dis dans un langage complètement abstrait, l'abstrait n'est pas l'explicite de la danse, c'est ça qui m'intéresse, que nous sommes dans une situation que Émilie connaît bien, pour prendre l'exemple d'Isabelle Senger, d'irruption de Gaïa, d'irruption d'un avenir qui n'a plus aucun rapport avec le futur qu'on avait. Et pour moi, c'est d'abord un mouvement de danse. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que ce mouvement de danse, que vous allez voir, explicite le concept que je n'ai pas. Donc, c'est le premier exemple que je voudrais vous présenter. Et c'est deux fois le même écran, c'est simplement pris d'un côté de l'autre. Elle se retourne. Elle fuyait quelque chose, elle se déplace, et elle se retourne et maintenant elle voit quelque chose d'autre qui arrive vers elle. Et elle recule légèrement. Elle ne recommence pas le chemin, elle recule. Ce sont des instructions que tu lui avais. C'est des instructions, justement, c'est... Patrice était déjà dans le séminaire. Quelques instructions. Je l'ai saisie à la sortie d'un spectacle, je lui ai dit, mademoiselle, elle a cru que j'étais un vieux... Monsieur qui vont voir les danseuses dans la sortie. Je disais, madame, il n'y a que vous qui pouvez faire ce mouvement, il faut que vous fuyiez en arrière, que vous retourniez et que vous voyez quelque chose qui arrive devant vous qui est plus effrayant encore que ce que vous fuyez, mais qui n'a pas la même forme. Est-ce que vous me le faites? Elle m'a dit oui. Ça, c'était pas beaucoup. C'est une petite instruction là, une petite légende. C'est pas un concept non plus. Donc, il y a au moins trois éléments, comme les instructions que vous avez données. Le mouvement qu'elle a fait, évidemment, le mouvement de faire le film. Par son conjoint, c'est un très bon cinéaste aussi. Et donc, on a là, c'est le genre de situation qui m'intéresse du point de vue du pluralisme ontologique, c'est-à-dire quel est le régime de mode qui est l'explicitation des autres. Est-ce que c'est ce que je vous en dis, ça illustre le manifeste compositionniste, ça, ce serait un régime d'illustration, ça voudrait dire que on aurait. Une... Non, ça marche, ça marche, ça marche. Il se met en veille vite, quoi. Non, non, c'est pas ça, c'est parce qu'on va pas faire. Merci beaucoup. Je mets l'image pour pas qu'on croit que c'est noir. Je vais y arriver. Donc, c'est des choses que Patrice connaît bien, parce qu'en fait, c'est un peu le travail qu'il a fait sur le film que vous connaissez. Donc c'est d'essayer de se dire quelle est la couche de sens, c'est le 6 qui est l'explicitation de l'autre. Si c'était une illustration, la question serait très claire. J'ai demandé à une danseuse d'illustrer un concept. Et évidemment, l'intérêt, là, il y a un discours, un métalangage, des langages qui sont des langages dérivés ou illustratifs. Mais depuis le début de cette affaire, et même ensuite j'ai fait une pièce de théâtre avec la même idée, c'est quoi l'idée? Ben, c'est un mouvement que je ne sais pas faire moi-même, une danseuse fait. Et donc, la question du dépliage, quel est le mode de parole, le mode de sens, le mode de production de sens, la trajectoire de sens qui éclaire, qui explicite ou qui interprète les autres, c'est précisément cette indécision qui paraît intéressante. Je ne peux pas dire la danseuse a mis en pratique un concept qui était abstrait, parce que ce concept je ne l'avais pas. J'avais un mouvement de danse, mais moi je ne suis pas danseur. Il est arrivé, comme dit Valérie plusieurs fois, une fois, il a eu un morceau de musique qui lui est arrivé dans la tête alors qu'il n'était pas compositeur que ce morceau de musique avait juste trompé de tête, quand il avait dû arriver sur quelqu'un d'autre. C'est un peu, ouais, je ne suis pas danseur, j'ai un moment dans la tête, donc c'est pas normal. Donc c'est pas l'explicitation d'un concept. Donc la question du métalangage, ce mot qui n'est pas très beau mais qui est commode, là c'est difficile de savoir quel est le métalangage de l'autre. Deuxième exemple, puisqu'on m'a demandé de prendre des exemples du droit, je me permets de prendre un exemple du travail que j'ai fait sur le Conseil d'État, qui a été pour moi très important pour l'analyse en termes de mode d'existence. Est-ce que le droit, je vais prendre un petit exemple de dispute juridique, s'explicite dans son mode. Problème énorme de sociologie du droit, de sciences politiques du droit, comme vous le savez, et qui est très intéressant parce que le droit, contrairement à la danse, a ses propres idées réflexives sur ce que c'est que de se comprendre soi-même. L'autonomie du droit, la réflexivité interne du droit, fait partie de la définition même du droit. Point. Certains sociologues du droit, comme Luhmann, en a fait une des définitions du droit. Donc, je me suis beaucoup intéressé à qu'est-ce que ça veut dire de capter un mouvement juridique dans des termes aussi proches que possible du type de réflexivité, du type de trajectoire droit lui-même. Donc, comme toujours, il vaut mieux prendre des exemples. C'est un exemple qui est particulièrement intéressant pour parler de quelque chose qui, justement, qui résiste. Daphné a parlé de la résistance des divinités, donc c'est aussi compliqué en droit. C'est un cas simple où on attaque la décision du président de la République, Jacques Chirac, pour un problème vraiment important, un directeur de banque qu'on avait nommé, et la nomination est attaquée. Donc c'est un joli cas d'objectivité du droit, parce que j'ai suivi pendant 3 ou 4 mois les 200 conseillers du Conseil d'État essayant d'échapper à ce moyen, comme ils disent, qui annulait la décision du président de la République de nommer un type vraiment efficace et utile dans une banque en faillite, enfin, qui risquait d'être en faillite. Tout allait contre ce petit morceau de papier, de lettres sur papier en tête d'un propriétaire de quelques actions de cette banque, et que on a le droit au Conseil d'État, c'est le droit administratif pour ceux qui ne sont pas juristes ou pas sur les États, on a le droit justement d'attaquer des décisions de l'État. Donc juste quelques exemples. Deldago, rapporteur, lisant la note trop rapidement pour qu'on puisse noter, je note évidemment la parole enregistrée, ce genre de choses, sur l'article 432.13 du Code pénal, pas de discussion. Cela remonte au droit romain, et là elle se met, ça c'est un des charmes du Conseil d'État, le digeste, Saint-Louis, 1254, Charles III, sur les boulanges, là, la longue histoire du droit français. Le bras, réviseur. Problème intéressant, pour la réflexivité interne des pratiques, le Conseil d'État est organisé d'une façon, et c'est l'essence même pour eux de ce que c'est que de faire le bon droit, d'une série d'étapes successives de révision de ce qu'ils sont en train de faire. Donc s'il y a des gens qu'on peut pas, auxquels on ne peut pas attribuer la notion d'irréflexivité, c'est les juristes. Parce que par définition, le Conseil d'État est constitué par un système de réflexivité, d'une subtilité byzantine, qui fait que chaque affaire est non seulement rapportée, mais aussi révisée par quelqu'un qui n'y connaît rien, puis ensuite jugée par une sous-section, puis ensuite... Il y a un empilement de procédures qu'on ne peut pas appeler autrement que de réflexivité pour éviter justement, pour revérifier à chaque fois l'état de la décision de l'étape précédente. Donc c'est très intéressant déjà, même le simple fait d'avoir un réviseur, donc on se tape des heures de rapport et on se retape des heures de révision. Ensuite il y a l'heure de discussion, ensuite on se tape commissaire, l'ex-commissaire du gouvernement, son nom a changé maintenant, commissaire à la loi. Etc. Donc voilà un exemple. Le droit me paraît un très bel exemple. Alors on peut dire, oui, mais, et ça a été fait naturellement, les juristes n'ont jamais cessé d'essayer de faire une théorie du droit. Mais ça, l'intérêt du droit, c'est que ça a toujours résisté. La théorie du droit a toujours été, au contraire, moquée par les praticiens, le praticien le dit assez, de façon assez juste, comme si il y avait une réflexivité interne du droit très supérieur à la capacité de réflexivité des analystes. C'est pour ça que le droit m'a intéressé, parce que, évidemment, la sociologie du droit c'est pas forcément plus réflexif que les jurys. Je vais donner un exemple, une analyse de cette situation dans une. Le bras, réviseur. Bon, c'est important, c'est l'étagement. Ça s'est arrêté. À nouveau. Ça marche ? Non. L'ampoule est fatiguée apparemment. Elle se repose. C'est embêtant d'être empirique et pratique quand on a un truc qui ne change pas. Là, c'est pour vous que les séminaires suivants ont vérifié que. Je vous le lis. Ça peut nous mener loin. Sa portée est considérable. Je suis d'accord avec la note. La note est celle du rapporteur. Je reprends les faits. Le gendre est en fonction depuis le 1-1-1995. Le requérant est un habitué du contentieux. Il a un contentieux très varié. C'est un beau paradoxe. L'intérêt à agir découle de la propriété même symbolique. Il a le droit, même si c'est minime, parce que évidemment, le premier effet, c'est de se débarrasser du gars en lui disant vous n'avez pas d'intérêt pour agir, donc vous sortez de l'affaire. Manque de chance, il a acheté juste des actions de cette banque et probablement, par mauvaise foi, il a décidé d'attaquer. Et oui, mais il a le droit. Donc, et là, vous pouvez toujours dire, oui, mais il n'a pas le droit, il a le droit. Donc, vous êtes coincé. Il a acheté des actions rien que pour cette action en justice. En revanche, les moyens de l'égalité externe sont inconsistants. Et donc, ah oui, en l'espèce, il suffit de lire le bottin administratif, c'est très éclairant. On lit bureau B3, contrôle du crédit urbain, c'est pas un réglementaire, mais c'est éclairant. Je ne vois pas comment échapper à l'annulation. Les règles sont un peu perdues de vue par l'administration, c'est dommage, d'autant que c'est un excellent administrateur. Je ne suis pas sûr que cela puisse passer en sous-section réunie, ce qui veut dire qu'on va trouver les autres couches de jugement plus tard pour prendre la décision. Ce n'est pas vraiment c'est interrompu. Après 3 minutes. Mais... C'est un excellent administrateur, je ne suis pas sûr que ça puisse passer en sous-section réunie. J'ai mis en jaune les expressions qui sont des expressions dans lesquelles les acteurs, ceux qui s'appellent praticiens, composent ce que c'est que de faire suivre un moyen, c'est le terme que j'utilise, c'est un terme très mystérieux, j'ai consacré tout le livre que j'ai fait sur le Conseil d'État pratiquement à la notion de moyen. Qu'est-ce que c'est que ce moyen dont la trajectoire va entraîner le jugement. Ils sont constamment en train d'évaluer la qualité de ce moyen. Bon, les moyens externes, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont inconsistants. La mauvaise foi, mais oui, mais ça peut pas marcher. Le gars sort, il prend le bottin mondain, il voit que le directeur s'occupait directement de cette affaire de banque avant de pantoufler. En fait, c'est une affaire de pantouflage. Et il y a malheureusement le comme il le dit dans le code pénal. Le président reprend ce que le réviseur reprend du rapporteur, qui reprend ce que les avocats reprennent, etc. Donc si on parle de réflexivité en termes de reprise et de vérification, la personne qui voudrait rajouter de la réflexivité à ce mouvement doit elle-même faire partie du Conseil d'État ou être dans la doctrine administrative. C'est ça le point que je veux faire. Et le droit est beaucoup plus clair pour ça. Renvoyer à la pratique par rapport à une théorie ou un formalisme juridique, ça, c'est précisément ce qu'on peut, le faire, justement, ça a été fait, mais c'est très difficile en droit. C'est pour ça que le droit résiste. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse de le prendre comme exemple pour voir si on ne peut pas se défaire la notion de pratique. En quelque sorte, pratique est un mot sans contraire pour un juriste. Si vous n'êtes pas un juriste praticien, vous êtes quoi ? Vous êtes, au Conseil d'État, on appelle ça la doctrine. Ça, c'est des professeurs d'université qui, au Conseil d'État, sont des êtres méprisables. Ce sont des gens qui font de la doctrine, qui enseignent le droit administratif dans les facultés. Non, ça, c'est même pas pris au sérieux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas du droit, on a une inversion entre les académiques et les praticiens. Les praticiens ont le haut du pavé du point de vue de la réflexivité et du point de vue de ce qu'eux appelleraient théorie du droit. Mais parce que la théorie est toute pratique pour eux. Vous voyez l'intérêt de prendre l'exemple du droit. Pas pareil quand on va aller prendre des gens du candomblé au Brésil ou quand on va prendre des artistes. Parce que là, pecking order de ceux qui ont le métalangage et de ceux qui sont analysés n'est pas le même. Dans le cas du droit, comme dans le cas des sciences, mais pour d'autres raisons, c'est, l'intérêt, c'est que le dispositif de réflexivité interne qui permet de définir le praticien comme un théoricien, dans son genre à lui, est particulièrement solide et en place. C'est pour ça que je pensais que c'était un cas intéressant pour vous, comme exemple, contre-exemple, ce lien entre pratique et ontologie. Alors, ontologie, ce n'est pas un terme que les juristes utilisent, évidemment. Mais ça veut dire qu'en pratique, si vous n'êtes pas capable d'articuler cette réflexivité interne au droit, c'est-à-dire de faire une objection comme le fait le réviseur, le président, ou comme peuvent le faire un avocat, vous n'êtes pas dans le droit du tout. Donc c'est pas, vous faites, vous, de l'extérieur, l'explicitation du droit. Non, c'est que vous n'êtes pas dans le droit. Donc il y a une espèce de le droit résiste à l'explicitation en ce sens-là. C'est que le droit est sa propre explicitation. Et ça frappe toujours des gens qui font de la sociologie du droit. Dès qu'on approche du droit, c'est vrai en son genre. Vous dites, oui, mais c'est pas juste. Oui, mais c'est juridique. Oui, mais. Non, c'est pas juridique. D'accord. Ah, c'est juridique. Donc, il veut dire que le conduit de vérité propre au droit résiste dans ses termes à lui, et chose étrange dans l'histoire de la philosophie, c'est le droit a résisté aussi dans sa façon de définir son rapport à la théorie. Il y a bien le sens du droit, ils ont tout essayé. Enfin, la science du droit, c'est quand même du droit. Comme disait Castel, c'est quand même du droit. C'est pas quelque chose qui formalise le droit. On a tout essayé, on a même essayé de faire des machines à faire du droit. Les échecs successifs prouvent mon point. Donc, je continue, parce que là, c'est aussi un des points intéressants, évidemment, c'est de voir cette définition interne au mouvement réflexif du droit résiste à la quantité d'éléments extérieurs que le droit absorbe néanmoins dans son mouvement. J'ai passé beaucoup de temps dans le travail du Conseil d'État à réaliser ce fait, c'est que cette réflexivité intérieure n'a rien à voir avec l'autonomie du droit. Regardez, le président ouvrit, on peut en discuter, plus c'est élevé dans les formations de jugement, plus c'est embarrassant pour le gouvernement, puisque ça vient de faire là, c'était juste droit. On dirait, mais l'embarras du gouvernement ne devrait pas y être. Si, il y est. Le rapport et le projet sont tellement décisifs, je ne vois pas pourquoi on irait plus haut, enfin il faut discuter. La messe me paraît être dite. Il y a un second réviseur. Ah oui, j'ai oublié, il y a un second réviseur. En fait, je ne pourrais pas croire qu'il y a un premier, il y a un second réviseur. Soyez plus réflexifs que les juristes, c'est difficile. Qui ignorent néanmoins ce qu'ils font. Parce que la notion de moyen, on n'en parle jamais. Vous allez dire, mais vous avez quoi, petit, c'est le droit ou c'est l'explicitation du droit. C'est de l'explicitation par le droit du droit. C'est ça la notion de mode d'existence. C'est l'existence du droit, enfin clairement explicité, le fait, dans le cadre du droit administratif français, dans un mode qui est celui du droit. C'est pas un traité de droit. Donc c'est évidemment le problème de Garfinkel que j'essaie de reposer. L'unique adéquation. Est-ce que c'est uniquely adéquate au droit? Oui, moi je dis oui. C'est uniquely adéquate au droit. Mais sous une forme qui n'est évidemment pas du droit. Parce que si j'avais fait un traité de droit, je serais passé très loin du Conseil d'État. Je serais dans la doctrine. En plus, je serais incapable, rien de plus emmerdant que le droit administratif. Vous voyez la différence, c'est d'essayer de suivre le chemin très particulier du droit dans son mode, c'est pour ça que j'ai repris la notion de mode de Simondon, etc., pour essayer de suivre son mode d'explicitation à lui, c'est-à-dire, pour utiliser le vocabulaire de l'enquête, ses conditions de félicité propres, mais sans penser que ces conditions de félicité pouvaient être traduisibles directement dans un autre mode, par exemple celui de la sociologie ou celui de la science. Encore une fois, l'échec de la science du droit est intéressant. On voit très bien le conflit catégorique. Et pour regarder M. Houry, qui est là, un brave gars qui est au Conseil d'État, qui a été nommé, je ne sais plus par quelle faveur présidentielle, pas seulement du Trésor. À l'époque, j'avais demandé pour Houillier, qui est passé de la SNCF, venant du ministère de l'Équipement, c'est connu depuis longtemps dans l'administration. Donc ça, c'est du café du commerce, hein. C'est du niveau de café du commerce, ça n'empêche pas. Tout va venir de l'extérieur, mais le mouvement propre de déplacement de la trajectoire juridique va continuer jusqu'à ce que, effectivement, la décision soit prise de condamner ce malheureux, cette décision, annuler cette décision du Conseil du président de la République. J'ai souligné le mot miroiter, c'est un très beau mot que des gens comme mon ami Albert Piette adore, c'est-à-dire c'est des mots, c'est des détails infimes qui révèlent absolument toute une pratique réflexive de façon ad hoc, locale. Miroiter, je crois que peut-être des gens qui font des miroirs, en fait, c'est pas un mot technique. Ce n'est pas dans aucun dictionnaire de droit administratif. Et néanmoins, c'est le mot qui dit ça miroite. Là, il y a un petit truc qui... Ce qui miroite dans mon esprit, c'est quand cet article du Code pénal est tombé en partie en désuétude. Embêtant pour un article du Code pénal de tomber en désuétude. Ben, c'est un truc admirable. C'est le Code pénal, c'est fini. Voilà, et c'est indiscutable. Le gars est condamnable. C'est impossible. On ne peut pas aller contre le Code pénal. Oui, mais il est tombé en désuétude. C'est un être qui est tombé en désuétude, mais qui est indiscutable. Et donc, ça miroite. Miroiter, c'est un terme de réflexivité interne qu'on raterait complètement si on n'était pas en train de suivre le mouvement même de la discussion entre ces toute la SNECMA est faite de gars comme ça. Pourquoi ne l'a-t-on jamais appliqué? Comment le SGG, le Centre du Système Français de Gouvernement, comme vous savez, le secrétariat général du gouvernement, a-t-il laissé faire tout ça? Il y a un écart incroyable entre ce que vous dites et le fait qu'on ne l'applique jamais. C'est intéressant d'avoir des juristes qui sont là, ils sont quand même... antenne à dire, mais c'est indiscutable, il n'y a pas de discussion possible, on ne peut même pas discuter juridiquement, va dire le président, mais on ne peut pas s'y échapper, on ne l'a jamais appliqué. Oui, et ça miroite est un terme de réflexivité, c'est un terme théorique, c'est un terme qui dit qu'il se passe quelque chose, un terme de métalangage intérieur à la pratique qui dit quelque chose sur la façon dont va se passer le mouvement, alors que sur le fond, dit oui, on n'arrive même pas à avoir une discussion juridique. Assemblée, juriste pour dire, on ne peut pas avoir une discussion juridique, tellement la chose est douée, la messe est dite, comme on dit. Donc c'est ça qui m'intéresse dans le droit, je ne vais pas continuer sur ce cas, mais juste pour finir sur un des problèmes. Ça, c'est un autre dispositif réflexif du droit administratif, ça c'est typique du droit administratif français, c'est qu'on ne comprend rien aux décisions des juges administratifs. Moi j'ai eu la chance d'être dans la discussion, mais le malheureux, quel est le mot qu'on utilise au Conseil d'État, le malheureux qui dépose une plainte, le requérant, merci Patrice, n'a qu'un tout petit... arrêter les deux lignes parce que les conseillers sont fiers du style napoléonien, du style qu'ils utilisent pour rendre leurs arrêts. Donc, nouveau dispositif de réflexivité interne à l'institution juridique, il faut commenter. Donc, il y a des traîtres hors payés, si je veux dire, qu'on appelle des chroniqueurs, qui sont eux-mêmes des conseillers d'État, c'est une réflexivité mais intérieure au dispositif, qui font la chronique de ce qui s'est passé pour que le requérant, condamné ou au contraire, dont la décision a été annulée ou pas, puisse savoir de quoi est faite la décision. Et donc voilà le texte dans un style distancié, mais interne à la pratique juridique, compréhensible et lisible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui lisaient l'idéal, mais ce n'est pas une lecture pour non-initiés. Donc on est bien à l'intérieur du droit, mais dans un niveau de réflexivité supérieur encore, d'explicitation au sens propre du terme. C'est l'explicitation par des chroniqueurs payés par le Conseil d'État pour faire ça. Ils sont d'ailleurs les plus brillants du Conseil d'État, ils sont du futur commissaire, pour expliciter la décision. La spécificité de cette norme pénale, qui n'a jamais jusqu'à présent reçu que très peu d'application, tient à ce qu'elle interdit et sanctionne un comportement qui n'est pas lui-même contraire à la probité. D'autres dispositions visant les faits de corruption. L'article 432.13 a un objet différent, il prohibe une situation qui pourrait donner lieu à des faits de corruption ou au moins susciter le soupçon que de tels faits se sont produits. Ça, c'est le cadre général. C'est la phrase qui m'intéresse, c'est la phrase suivante. On peut toutefois manquer de remarque, se demander si en 1969, l'Assemblée du Consensus aurait appliqué à une nomination par le président de la République la solution qu'elle a retenue pour l'agrément d'un recrutement décidé par une caisse de sécurité sociale. C'est le seul cas ancien d'application de cette règle anti-pantouflage. L'arrêt rendu en 1996 sur la requête de la société Epsilon traduit le renforcement des exigences de transparence et de neutralité dans les relations de l'administration et des acteurs économiques, qu'ils soient privés ou publics. C'est le mot « traduction » qui m'intéresse. Parce que là, vous avez, par des chroniqueurs, beaucoup de réflexivité rajoutée explicitement au système administratif pour dire ce qui s'est passé, pour expliciter les décisions. L'expression par un juriste de l'influence du social sur le droit, c'est-à-dire la sociologie du droit des conseillers d'État. Il aurait pu dire, le droit passe et cette décision enfin est appliquée, maintenant on applique enfin sérieusement le droit. Non, ils disent très explicitement, une reconnaissance parfaitement précise de ce qu'on pourrait appeler le contexte général, le contexte social de la décision. En 69, on ne l'aurait pas fait, en 96, on le fait. Et le mot traduction, là, vous pouvez mettre toute une série de sociologies possibles. Vous pouvez faire de sociologie du droit critique, vous pouvez faire de la sociologie du droit à la normale, vous pouvez faire plein de choses. Le mot traduction est précisément l'expression par des proto-théoriciens du droit de ce que c'est que le rapport de cette décision avec son contexte social. Donc voilà l'exemple que je voulais citer. Il faut que j'en mette. Tu as encore 10 minutes. Ah, bien. Donc vous voulez justement en parler. Une dizaine de minutes, mais c'est grave. Pardon, c'est bien. Les séminaires, quand on manque des documents, ça prend encore un peu de temps. Oui, c'est pour aller un peu de matériel. Donc voilà, en fait, je vais peut-être m'arrêter là. J'ai d'autres exemples, mais juste quelques images. Alors. Donc sur le droit, l'exemple est clair. C'est-à-dire, on peut évidemment faire une sociologie du droit, ça se fait, il y a d'excellents travaux en sociologie du droit, mais qui vont essayer d'expliciter le droit dans leur langage à eux, ce qui ne donnera pour les juristes aucune explicitation. Ça explicite pour les sociologues, mais pas pour les juristes. Or, la question posée par ce séminaire, si j'ai bien compris, est comment on fait pour expliciter dans le terme du droit. Parce que si vous faites une explicitation sociologique du droit, l'ontologie propre, cet être complètement bizarre, et là vous en avez un exemple, une apparition d'une règle, d'un moyen de droit, il est indiscutable, c'est dans le code pénal, le pantouflage est complètement interdit, qui n'a jamais été appliqué, qui se trouve appliqué à cause des conséquences et des contingences parfaitement reconnues de l'époque et de l'exigence de transparence de l'époque, par 200 conseillers, ben ils ne sont pas tous dedans, mais ils ont tout essayé, je veux dire, un chapitre entier de livre là-dessus, ils ont tout essayé de cette affaire, pour essayer de sortir de cette affaire. Ils avaient même imaginé une solution constructive, comme ils disent, un terme de métalangage, enfin du méta-infralangage, je ne sais pas comment dire, du métalangage du juriste du Conseil d'État. Une solution constructive qui était du genre le code pénal ne peut pas avoir voulu dire que dans ce cas particulier, le président Chirac n'avait pas le droit de faire cette nomination très importante. Hein, c'est vraiment du petit découpage, une fiction juridique juste pour ce cas-là. C'est prétorien, comme ils disent. Oui, mais c'est pas passé parce que, justement, le contexte traduit l'interdit. C'est ce que dit le texte de la chronique. Donc, si on veut respecter l'ontologie particulière du droit, vous voyez bien que si on l'écrase en disant « Mais ça, c'est la pratique des praticiens », mais évidemment, ce qui passe derrière, c'est le mouvement de transparence, l'exigence de transparence politique, vous satisfaisez votre désir de cohérence de la théorie sociologique, mais vous n'avez rien dit encore de ce que c'est que le droit. C'est quand même bien ce qui nous intéresse, l'essence du droit. Et l'essence du droit est dans cette tradition. Voilà, c'est pour ça que je voulais donner un argument pour nourrir la discussion. Bon, évidemment, revenons maintenant à quelques exemples. Je reviens maintenant en arrière au cas plus général qui sert de cadre à cette affaire. L'un des modes dans lequel la notion de pratique, à l'inverse, est apparue comme une critique, c'est évidemment l'histoire et la sociologie des sciences. C'est intéressant. Parce qu'on aurait pu parfaitement, avec Peirce, James, etc., se dire s'il y a un sujet où la question de la trajectoire de vérification, la présence des chercheurs, l'instrumentalisation, les objets qui rendent objectifs, etc., est complètement de sens commun, c'est le cas des sciences. On aurait très bien pu imaginer une présentation du travail des sciences sous la forme des juristes. Ah oui, évidemment, il n'y a que des praticiens, et ils ne sont jamais théoriciens. Ils ignorent le poids de la doctrine, ou le poids de la théorie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est exactement le contraire, lorsqu'on a utilisé la notion de pratique, mais à coup pas, abuser de la notion pratique, mais à maximum coup pas, c'est précisément considéré comme une critique. Alors ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, ça change, c'est en train de changer, mais c'est très lentement, la présentation de l'objectivité scientifique s'est faite sous le mode d'idéal de formalisation. Tout le reste tombait justement dans la pratique. Les scientifiques ne savent pas ce qu'ils font. Évidemment, c'est intéressant d'étudier la cuisine, comme on dit. La cuisine, c'est un terme assez négatif. Mais en vrai, l'idéal, c'est quand même d'arriver à une définition formelle du travail scientifique. Et d'ailleurs, formaliser le travail scientifique, c'est 80% de la philosophie des sciences d'origine française. Donnez-moi de la cuisine, je vous donnerai du formalisme, et il faut essayer de faire du boulot, et si vous ne faites pas de boulot, vous êtes un relatif. Osons le mot. Donc, pratique va être engagée, et c'est ça qui m'intéresse, très différemment dans le cas des sciences. Parce que ça va être engagé nécessairement dans une polémique. Tandis que si vous allez voir des juristes, disons que je m'intéresse à la pratique juridique, vous dire, ah, vous êtes juriste. Si oui, vous dites oui, welcome. Si vous n'êtes pas juriste, il prend le vote. Tandis que si vous arrivez dans le cas des sciences en disant j'étudie la pratique, on va vous dire, ah ça dépend, hein. Ah vous êtes scientifique, alors causons cuisine, là ça marche. Mais si vous dites non, j'essaye de faire la théorie de votre pratique, ou j'essaye d'expliciter dans mes termes à moi la pratique scientifique, ça va être plus difficile. On a en fait très largement échoué dans cette affaire d'explicitation dans des termes propres à l'ontologie des êtres scientifiques, c'est ce mouvement. Donc, je n'ai pas le temps de passer, évidemment, ça n'a aucun sens, il faudrait faire toute l'année de séminaire, mais prendre un autre exemple sur les techniques, sur l'acte technique, un truc qui m'a beaucoup intéressé, les détails de l'acte technique. Qu'est-ce que c'est d'expliciter dans les termes techniques le mouvement des techniques elles-mêmes? Je prends des techniques très simples ici, j'ai beaucoup travaillé sur ces affaires. Est-ce que c'est une approche pratique? Le fait d'avoir une clé très grosse qu'on ne peut pas rendre à son concierge, pour prendre un exemple classique. Qu'est-ce que c'est que de rendre compte de cette action? Là, on est plus dans les limites de ce que l'ethnométhodologie peut faire. N'empêche, ce n'est pas facile, j'ai consacré un autre ouvrage entier, à discuter de la pratique technique, le mode d'existence des techniques, ça c'est un terme reconnu en philosophie, il est particulièrement difficile à capter. Dans son ontologie propre, pas faire un langage formel sur la question des techniques, mais suivre dans le terme des techniques son utilisation. Si vous dites oui, mais c'est des problèmes pratiques, on ne va pas vous accueillir de façon très sympathique auprès des ingénieurs et des techniciens, parce que c'est quoi un ingénieur pas pratique? C'est quoi un ingénieur pas pratique? Et donc, par exemple, c'est le caractère important de peur, c'est son lien avec le bureau des standards. Toutes ces grandes théories pragmatiques, on l'a assez accusé d'ailleurs de ça, et de théories liées à ce problème du mode d'existence des objets techniques. Puisque Daphné travaille sur les objets religieux, je lui ai mis un. Et voilà, ça c'est un cas intéressant de votre nouvelle collègue Elisabeth Clavry, qui est maintenant, je crois, à Nanterre. Qu'est-ce que vous faites pour expliciter dans les termes des gens qui voient les. Ça c'est des gens qui voient la Sainte Vierge. À Mezzogiorgé, ils sont en train de voir la Sainte Vierge. Si vous dites non, il ne voit pas la Sainte Vierge, il voit le soleil, c'est pas bien. Non, il voit la Sainte Vierge. Là, vous voyez que la notion de pratique devient quasiment très difficile à récupérer la notion de croyance, pour reprendre l'expression de Daphné. Il croit qu'il voit la Sainte Vierge. Il voit. Maintenant, essayez d'aller faire le boulot, de les faire voir la Sainte Vierge dans leur terme. Ce qu'a fait Clavry dans son très beau livre, très bien. Là, de nouveau, cette fois-ci, on est dans un cas où pratiquement c'est presque impossible d'aller remonter la notion de pratique du côté de l'ontologie. On aurait pu prendre la même chose pour la politique et pour l'art, mais le petit exemple que j'ai donné tout à l'heure suffit. Donc pour finir, vous voyez l'argument est évidemment très simple, c'est de dire, prenons l'argument du point de vue d'une thèse d'histoire de la philosophie. Ce n'est pas du tout mon projet, ni mes compétences, mais il y a assez de gens compétents ici pour le rectifier. Le pragmatisme, qui est la grande tradition qui permet de faire le boulot de ce séminaire, n'a pas pu se revenir aux questions ontologiques parce qu'il a quand même accepté de prendre la notion de pratique, pragmat, pragmatique, avec toute l'ambiguïté sur pragmata aussi, ça c'est une autre discussion dont je n'ai pas le temps de parler, mais j'ai fait tout un catalogue pour cette question des choses publiques, qui est de dire, en fait, d'accepter le fait de s'intéresser à la pratique. Et ça va de Peirce jusqu'à, en passant par cash value de James, jusqu'à Horty, une espèce d'épuisement de la tradition pragmatique. C'est-à-dire épuisement au sens que c'est de moins en moins associé à l'exigence de réalité qui nous intéresse, et pour ça qu'on a mis le terme ontologie dans le séminaire. Donc il y a une espèce de descente continuelle. Et cette descente n'était pas inévitable. Enfin, elle était peut-être inévitable, mais c'est drôlement dur de l'éviter à partir du moment où on accepte le contrat. Et donc, en fait, il y a un fantôme à chaque fois qu'on utilise le mot pratique, c'est « Ah, si seulement on avait le formalisme. » Mais on ne l'a pas. « Chouette, disent les uns, dommage, disent les autres. » Et il y a toujours ça qui sommeille. Il y a un cochon bestial qui sommeille. Toujours, quand on utilise le mot pratique, c'est « cochon ». Un cochon qui rêve, bon, un cochon qui rêve de formaliser, ça paraît là. Un an, peut-être. Enfin, un truc déplaisant dans la notion de pratique, parce que c'est toujours quand même un peu accepter la situation de soumission à un idéal de formalisme pour là-bas. La solution que je propose, c'est de dire sauvons le pragmatisme pour le bon, ça prend notre mot pratique, c'est pratique, et donnons à la capacité d'explicitation le pluralisme qui lui manque. Enfin, alors là, je vois Patrice va déjà me dire que c'est une contradiction complète, parce que j'ai fait un livre sur les boîtes d'existence, donc pourquoi mettre un langage des boîtes d'existence, d'accord. Mais c'est un séminaire, donc je n'ai pas pour objet d'arriver à une solution en principe crédible. Vous voyez la direction, c'est-à-dire, là, puisqu'on peut expliciter en plus en mode, c'est drôlement intéressant d'essayer de se passer d'un notion pratique ou au minimum, qui pourrait être un travaux pratique pour la séance, c'est quoi, vous avez une séance de solennel, de clôture, c'est intéressant, de se dire comment résonne et à quoi engage et vers quoi tire la notion de pratique dans ces différents objets. C'est pas pareil, j'espère l'avoir montré, même en peu de temps, en droit, en science, en religion, il faudrait aller en économie, en linguistique, etc. À chaque fois, le mot pratique entraîne des pertes ou des gains qui sont distincts. Évidemment, il faudrait faire un long travail sur l'ethnométhodologie qui est la mamelle à laquelle j'ai sucé. Mais l'ethnométhodologie est très engagée dans cette question-là. Donc, voilà. Voilà, j'ai fini. Merci. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on puisse un peu discuter tous ensemble. Et moi j'avais songé réfléchir à la question du séminaire sur un mode qui était finalement diamétralement opposé à la proposition, je dois dire, spectaculaire et spectaculairement inattendue de Bruno. C'est-à-dire j'avais réfléchi à la question pourquoi a-t-on besoin du concept de pratique pour faire de l'ontologie expérimentale. Mais donc en t'écoutant, comme je me rends compte que, comme souvent d'ailleurs, je suis entièrement convaincu, en tout cas je me sens déjà d'emblée convaincu par ce que tu dis, je voudrais quand même reprendre un certain nombre de points que j'ai entendus, et puis voilà, c'est donc de la traduction, en quelque sorte. Alors, j'ai le sentiment que je suis d'accord effectivement sur le fait qu'il faut écarter un sens classique du concept de pratique, et je crois effectivement que d'ailleurs dans ce séminaire, ça ne va pas être le sens dominant, mais on va dire c'est ton débat, après tout, il y a peut-être des gens effectivement. Alors ce sens classique du concept de pratique, je dirais qu'on peut le définir comme l'extériorité à ce qui est pratiqué. Par exemple, je prends un exemple que je connais bien, on va parler de la pratique de la langue par les sujets parlants, et on va dire qu'il faut, s'intéresser justement pour définir en fait un acte de langage, il faut s'intéresser à la pratique du langage et non pas à quoi d'ailleurs, c'est ce que tu appelles le formalisme, hein, c'est non pas à cet objet un peu terrifiant qui est donc le langage comme tel, le fameux langage comme tel. Et donc je crois que ce que tu es en train de nous dire, c'est que cette tendance, c'est-à-dire qu'il faut se tourner vers les pratiques contre, on va les appeler comme toi les formes, en fait en vérité il faut les appeler les valeurs, je pense, et c'est le mot que tu utilises et je crois qu'il est bon. Donc se tourner vers les pratiques contre les valeurs, et donc essayer de dire qu'on va aborder les valeurs de l'extérieur, mais aborder les valeurs de l'extérieur, ça veut dire les replonger dans la pratique, est en fait une manière de dissoudre les valeurs elles-mêmes. C'est un peu, c'est d'ailleurs l'ensemble de ton projet. Donc il y a une dissolution de l'objet qui suit du concept de pratique, du fait même de cette extériorité qui est posée entre ce qui est pratiqué et le pratiquant. Au fond, qu'est-ce qu'on veut dire par pratique ? On veut souvent dire en vérité quelque chose comme ce que fait une modalité, je n'ai pas envie de dire que c'est une action, parce qu'en fait, je voudrais dire quelque chose de un agent. Quelque chose de un agent. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire dépendre l'ensemble de ce qu'on veut étudier d'une autre instance qui est l'instance de l'agent. En fait, c'est elle qui est extérieure en réalité. On va poser l'agentivité, en l'occurrence, comme quelque chose qui est extérieur à la valeur et non pas, effectivement, essayer de penser la production de la valeur. La production de la valeur, éventuellement, à partir de son seuil ou de ses limites. Je crois que tu as montré deux exemples, c'est vrai qu'ils ne sont pas les mêmes, c'est compliqué, mais bon, avec le droit sur lequel tu es resté le plus longtemps, c'est clair, hein. On voit bien que aborder la pratique du droit semble, au sens de la sociologie du droit, ça veut dire la dissoudre dans l'ensemble de son contexte, dissoudre la valeur juridique, alors qu'en réalité, la pratique du droit, c'est ce que font effectivement les juristes en produisant des valeurs juridiques, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire des obligations, c'est-à-dire des choses contraignantes pour monsieur machin, etc. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que tu as dit sur ces questions de droit, etc. Mais au fond, je dirais, le concept de moyen saisit la pratique du droit. Tu montres dans ton livre. Et c'est-à-dire ce que le droit fait, les moyens par lesquels il est fait, éventuellement avec la conscience de le faire. Tu vois, la conscience de le faire. Et donc, l'intérêt d'une traduction, d'une réexplicitation, va être justement de rapporter les valeurs à leur mode de production propre, et non pas à quelque chose d'extérieur. Premier point, donc pas d'extérieur. Deuxième point, pas du, je dirais, tu l'as pas dit, mais au fond, il n'y a pas d'unité de la pratique. Autrement dit, la pratique fonctionne en général dans ce type d'approche comme une sorte de, en fait, de souverain ontologique en réalité. C'est-à-dire, c'est l'instant, c'est la dernière instance, c'est là où il y a vraiment de l'être, il y a vraiment de l'être dans le faire. Pas d'être ailleurs, il n'y a que de, au fond, le faire et le tout. Le faire et le tout. Donc il s'agirait d'écarter le concept de pratique dans ce sens-là. Donc, de ce point de vue-là, je suis profondément d'accord, et je crois que c'est une des choses d'ailleurs qui m'a tenu moi-même très longtemps éloigné, au fond, de la tradition pragmatique, je veux dire. Parce que c'était quelque chose dont je pensais que c'était une impasse. Et en particulier, je le pensais à cause de la langue, parce que, effectivement, si on regarde le langage, s'intéresser, en fait, aux actions des sujets parlants, c'est la même chose que le droit, hein, mais en fait, vous n'avez rien. Quand vous vous intéressez aux actions des sujets parlants, vous n'avez absolument rien. Vous avez des bruits qui ne constituent même pas des fenêtres. Donc, qui ne constituent pas des sites, etc. Vous n'avez rien. Donc il y a un problème. Il y a un problème si on veut se contenter de ça. Donc je suis évidemment parfaitement d'accord avec ça. Alors maintenant, je voudrais donc revenir à la première intention qui était la mienne. C'est un vrai sens de pratique que j'ai oublié de... C'est-à-dire, évidemment, un sens qui va être non, ben non, pas tellement, parce que quand on dit le moyen, c'est la pratique du droit, que le droit, les juristes, en fait, ben, les juristes pratiquent le droit, ils pratiquent. Enfin, qu'ils sont des sujets pratiques d'un côté, puis qu'il y a le droit qu'ils pratiquent de l'autre. C'est que le droit est une pratique. Le droit est une pratique, et c'est une pratique qui passe par le moyen, juridique. Donc le moyen juridique est le nom de la pratique du droit, en fait. C'est ça, ce que je crois que tu as voulu montrer. Mais il n'y a pas la pratique qui serait extérieure au droit et d'ailleurs qui serait la même pour tout le monde, c'est-à-dire au fond cette sorte d'être un peu animal dans lequel nous serions tous des agents dotés d'intentions, ou d'ailleurs plus ou moins conscients, et des comportements, etc. Donc, et en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a bien une légitimité au concept de pratique et à propos de deux choses qui d'ailleurs sont dans le titre du séminaire. Un, pratique au sens pluriel du terme, et deux, effectivement, pratiques qui acceptent la pluralité des ontologies elles-mêmes, parce que notre pratique homogène et extérieure, en fait, n'accepte pas ça. Donc il s'agit de comprendre, effectivement, le faire-être, pas comme quelque chose d'extérieur à l'être, mais comme quelque chose, effectivement, de constitutif de cet être lui-même dans son mode de déploiement propre. Et je crois que c'est donc bien ça que tu suggères. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin du concept de pratique pour faire de l'ontologie expérimentale, c'est-à-dire pour faire une ontologie qui ne soit pas prescriptive et normative, mais qui cherche à se reprendre la question de l'être, sans, je dirais, sans présupposer, enfin, ou en tout cas, ben, se définissant des terrains. C'est le programme de l'enquête sur les modes d'existence. Alors, il y a beaucoup de raisons, mais je voudrais dire une première chose. D'abord, ça c'est une thèse philosophique, il faut bien le dire, grossièrement philosophique. Donc il y a une dimension méthodologique, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose d'expérimental, hein, on veut une méthode expérimentale dans l'ontologie, d'accord. Mais en vérité, il y a quelque chose... Pourquoi est-ce que ça va nous conduire à la notion de pratique? Eh bien parce que, au fond, on s'oppose à la spéculation. Au fond, le terme auquel on va s'opposer ici, c'est le terme du spéculatif, les réalistes spéculatifs, etc. On s'oppose à la spéculation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il n'y a pas de décision ontologique. Pardon? On s'oppose au réalisme spéculatif. On s'oppose au réalisme. Bien sûr, au réalisme spéculatif. On s'oppose au réalisme spéculatif, pas au nom d'un irréalisme spéculatif, mais d'un réalisme non spéculatif. Un réalisme expérimental, en vérité. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'ontologie qui ne fait pas appel au concept de pratique, c'est qu'au fond, elle appelle encore une fois à la possibilité d'une décision ontologique, c'est-à-dire très possible de déduire en quelque sorte ce qui est. C'est possible de déduire ce qui est par un acte spéculatif. Et je crois que si on veut dire qu'en réalité on a besoin du concept de pratique, c'est que pratique veut dire justement que l'être ne se décide pas. Il se rencontre, il se trouve, c'est quelque chose sur lequel on bute, mais on ne peut pas décider. Pourquoi on ne peut pas décider? Mais ça aussi, c'est méthodologique. Parce que si vous pouviez décider, il n'y aurait pas besoin de terrain d'enquête. Si on pouvait décider et prescrire de l'être, il n'y aurait pas besoin de terrain d'enquête. Donc la pensée comme telle, l'ontologie, l'ontologue ne peut pas légiférer sur l'être. Et donc s'il ne peut pas légiférer sur l'être, ça veut dire qu'il est en retard sur l'être. Il y a déjà des êtres. Il y a déjà des êtres avant lui. Donc ce qui est malgré lui. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre. Donc là, on est dans un contexte, à vrai dire, kantien, je dirais, si vous retenez de Kant, non pas la notion d'expérience, mais la forme générale de l'idée selon laquelle l'argument ontologique ne marche pas. Donc, derrière la notion de pratique, il y a une critique de l'argument ontologique. Donc les êtres ne se déduisent pas, ils se montrent. Il faut trouver des manières de les montrer. Donc c'est, je répète, une exigence de méthode d'un côté, ce qui est, c'est quelque chose qu'on rencontre, ça c'est une exigence de méthode parce que sans cette hypothèse, il n'y a pas de champ expérimental pour l'ontologie au sens propre. Donc d'un autre côté, c'est une thèse philosophique assez forte, puisque ça veut dire du coup que n'est véritablement que... Donc ce que l'on rencontre, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on les rencontre forcément dans le cadre... d'une action au sens de quelque chose qui est susceptible de rencontrer des résistances. On va définir une action de manière assez formelle comme quelque chose qui est susceptible de rater, quelque chose qui est susceptible de rencontrer des résistances. Et c'est donc là que on peut poser la question de l'être, c'est-à-dire, encore une fois, on ne l'a pas choisi, mais on n'a pas choisi que la bouteille d'eau existe, mais on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Pour X ou X raisons, il y a plein de raisons. Peut-être soit parce qu'on fait du droit, soit parce qu'on fait, pour le droit justement, c'est peut-être pas intéressant, soit parce qu'on fait... Il y a par ailleurs du droit, mais ce n'était pas la bouteille qui nous intéresse. C'est ça le problème. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il y a ces temps-là. C'est pour ce qu'on fait, on est obligé de rencontrer un certain nombre de ces objets. Donc ces objets sont, dans la mesure, effectivement, on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, droit, par exemple, autre chose, à vrai dire, ça peut être bien des choses. Par exemple, on ne peut pas faire de la grammaire comparée. On fait de la grammaire comparée. Puis on ne peut pas faire de la grammaire comparée sans un concept de cible. C'est l'histoire qui est arrivée à Saussure. C'est ce qu'il a dit, en tout cas, il a argumenté qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il faisait, ce qu'il aimait faire. Il n'avait pas l'intention de faire autre chose dans la vie. vous ne pouvez pas faire sans ce concept de signe. Donc, et on a le droit, en quelque sorte, de poser quelque chose comme étant si... Alors, on va dire ce que c'est spéculatif. Cette décision-là, elle est spéculative. Pas du tout. Weitel est un cas particulièrement... Non, je dis spéculatif, effectivement, dans le sens... Weitel est un cas particulier. Oui, de Graham Harman, de Quentin Meillassou. De Quentin Meillassou et de la tradition du réalisme spéculatif. Mais à vrai dire, j'utilise le terme spéculatif dans le sens... dans un sens assez courant. Le cas de Whitehead est un petit peu plus particulier parce qu'en fait, Whitehead utilise spéculation pour dire quelque chose qui nous intéresse un peu plus, qui est plus proche. Oui, mais parce que lui, il veut dire... Alors lui, pour le coup, c'est un pragmatiste, un métaphysique pragmatiste, effectivement. Mais néanmoins, il y a chez Whitehead l'idée selon laquelle il y a un acte d'anticipation sur la pratique qui passe par la spéculation, c'est-à-dire effectivement, on voit pas les êtres, on les rencontre pas. Sans ça, on voit pas les êtres, on les rencontre pas. Voilà. Et donc là, ça suppose effectivement qu'il y a un gap, il y a un écart entre effectivement la pratique et l'acte spéculatif, qui lui, l'acte spéculatif en fait, pour Whitehead, a un caractère totalisant, etc. Donc il a des caractères un petit peu différents. Ce qui caractérise au fond une pensée spéculative, et elle a sa grandeur, enfin sa beauté, en fait, c'est ce à quoi James s'oppose, la spéculation. C'est à ça que je pense. Ce qui caractérise un geste spéculatif, c'est de poser justement, si on allait jusqu'au bout d'un geste spéculatif, il dirait que peut être ce dont on n'a rien à faire. Un vrai spéculatif doit dire que, si vous voulez, c'est le vrai spéculatif, c'est le défenseur des questions oiseuses. C'est celui qui va définir l'être comme le séparé. Alors qu'effectivement, le pragmatiste, il va au contraire définir l'être comme quelque chose au cours d'une médiation. Mais le vrai spéculatif, c'est celui qui est susceptible, effectivement, de dire que on peut s'installer à l'intérieur de boîtes noires dans lesquelles on ne rentre pas et dont on ne sort pas. Donc il y a des êtres dans lesquels on n'entre pas et dont on ne sort pas. Et là-dedans, on peut faire plein de choses. On peut construire des systèmes, on peut, etc. Donc c'est ça, le vrai spéculatif. Donc la métaphysique. Donc c'est ce que James appelle dans son livre sur le pragmatisme, c'est ce qu'il appelle le couloir. Comme si en fait vous étiez dans un couloir, donc James dit en fait qu'il se place, et je crois que je venais au-dessus, tu es la personne qui a refabriqué le couloir. Hein. C'est-à-dire la personne qui se place dans le couloir, et vous êtes obligé en fait de passer par ce couloir, à un moment, si vous voulez sortir. Autrement dit, vous faites du droit, très bien, il faut faire du droit, etc. Mais en même temps, ça sort et ça rentre. Et donc si vous placez aux limites. Ben vous allez devoir passer par le couloir, à un moment. Donc le vrai spéculatif, c'est celui qui dit pas de couloir. Il y a des pièces fermées dont je ne rentre et je ne sors jamais. Donc c'est une thèse magnifique que Quentin Meillassou illustre particulièrement bien. Hein. C'est-à-dire que la seule manière dont vous pouvez opposer à ce que je viens de définir comme un cadre méthodologique, l'ontologie expérimentale, la seule manière de l'opposer, disons, s'opposer à la notion de pratique, c'est effectivement de dire. Il est possible de parler d'un être qui n'est d'aucun secours. À qui on veut, encore une fois, on n'en a rien à faire, littéralement. Il faut surtout qu'on n'en ait rien à faire. Vous savez que la définition que donne James de ce quelque chose dont on a quelque chose à faire, c'est pas du tout qu'il a des intérêts. C'est que une différence fait une différence ailleurs. Une différence quelque part fait une différence ailleurs. Moi, je remarque, en bon saussurien, que c'est la définition même du signe chez Saussure par ailleurs. Mais peu importe, à vrai dire, ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, on a une corrélation. Alors que la véritable pensée spéculative en matière d'ontologie, c'est celle qui dit, non, c'est une différence sans différence, ailleurs. Une différence pour elle-même. Donc on n'a aucune raison de s'installer dans tel être plutôt que dans tel autre. Simplement, c'est possible. Et qu'il y a un geste radical sur, encore une fois, c'est juste... Même la possibilité que l'impensable soit pensable en tant que tel suffit pour construire en fait une métaphysique de l'impensable. Par exemple. Donc voilà, pensée vaine, pensée stérile, pensée mallarméenne, à vrai dire, pensée mallarméenne, qui est le véritable en fait adversaire, je dirais, de la métaphysique expérimentale. Donc voilà un peu, je crois, le choix. Le choix que nous avons, il est là, il est entre ces deux types, je dirais, d'approches ou de philosophie pragmatiste ou philosophie spéculativiste. Bon, Donc qu'est-ce qu'on entend ici par pratique ? Ben, on entend effectivement des choses qui sont plurielles, qui définissent, comme je l'ai dit, des sortes d'attachements particuliers. Donc et ce qui est rencontré dans le cours d'une pratique, ce avec quoi je ne peux pas faire sans, ce sans quoi je ne peux faire, et que ces êtres dont je ne peux pas me passer, pour une raison ou pour une autre, sont tels, c'est alors là maintenant on entre dans la condition de l'ontologie, parce qu'il y a plein d'êtres dont on ne peut pas se passer, donc on a de raisons d'appeler étant que des choses, hein, je n'arrive pas à trouver la bonne formulation, on ne peut pas faire sans, c'est, sans lesquels on ne peut pas faire. Mais en vérité, ça ne suffit pas, il y a plein d'êtres sans lesquels on ne peut pas faire et qui ne suscitent aucune interrogation ontologique. Il y a une deuxième condition, c'est qu'il y a une rupture, je dirais, d'analogie entre ces êtres sans lesquels on ne peut faire et d'autres êtres qui sont déjà en quelque sorte admis. Voilà en fait, on voit le lien entre ontologie et pratique. Donc il y a d'autres êtres déjà pratiqués. Et il y a une rupture d'analogie. Donc par exemple, il y a une rupture d'analogie effectivement entre le phonème, enfin le phonème, c'est bien sûr, on parle pas du phonème, mais il y a une rupture d'analogie entre l'objet de la grammaire comparée sans lequel il ne peut faire, l'indo-européen, et par exemple l'objet observable de la physiologie du temps de Saussure. Il y a une rupture d'analogie, ça marche pas, et quand Saussure cherche à appliquer des analogies venu d'autres sciences à ce sans quoi il ne peut faire, eh bien, ça craque. Donc il y a une déchirure du tissu des pratiques. Donc la deuxième condition, c'est une déchirure du tissu des pratiques. Première condition, il faut qu'il y ait de la pratique. De la pratique, ça veut dire que quelqu'un fait quelque chose avec ça, comme si cette chose était extérieure. Ça veut dire que dans le cours de médiation, il y a une butée, un élément qu'on ne peut pas retirer. Il n'y a pas d'extériorité de la ligne qui passe par cet élément à cet élément. Elle la constitue. Et deuxième condition, il y a une déchirure comme dans les pratiques. Voilà donc les raisons pour lesquelles, si on a ces deux éléments-là, on a une question ontologique, à proprement parler. C'est une question, effectivement, au fond, de reconstituer des analogies entre les pratiques. Éventuellement, pour libérer, justement, ces pratiques. C'est-à-dire pour nous permettre de mieux faire ce qu'on fait déjà. Et non pas pour faire autre chose. Ça, c'est l'élément d'explicitation. C'est-à-dire que l'explicitation a elle-même un sens qui est, effectivement, encore une fois, je dirais, d'accélérer la pratique. Il n'y a de sens à expliciter une pratique que parce que cette pratique en a besoin. Par exemple, je reviens à un exemple de Saussure, Saussure avait besoin de poser des thèses ontologiques qu'il n'était pas du tout ni en mesure d'ailleurs de construire en tant que telles, ni qu'il n'était pas non plus dans son intérêt de poser, mais il en a besoin, dit-il, pour être tranquille. Pour être tranquille, pas plus, pas moins, pouvoir faire ce qu'il fait tranquillement. Donc je crois que, Bruno, ce que tu nous proposes n'est pas très, très éloigné de ça, c'est-à-dire c'est une manière effectivement de restituer des pratiques à elles-mêmes par le biais d'une ontologie, c'est-à-dire d'une exploration du tissu, des articulations entre les pratiques. Voilà donc ce que je suggérais de dire, vous voyez qu'encore une fois, ça suppose en effet de se passer complètement du concept de pratique au sens général du terme, que ce soit au sens de Wittgenstein, par exemple, ou au sens de Heidegger, parce que les deux grands philosophes du XXe siècle, du début du XXe siècle, tous les deux, en fait, font appel au concept de pratique, mais un concept de pratique qui est, au fond, général. Donc, il ne s'agit pas de faire une ontologie de la praxis, pas une ontologie de la praxis. Non, alors, oui, il y a praxeologie, mais il y a des figures très variées, l'ontologie de la praxis, il y a par exemple, je pense à Castoriadis. Castoriadis, au fond, a voulu faire une ontologie de la praxis. Et il ne s'agit pas de faire une ontologie de la praxis, mais il s'agit effectivement de reconnaître comme condition de l'être des pragmata, c'est-à-dire des êtres usés, tous les sens du cerveau, des êtres pas qu'on utilise comme cerveau, des êtres qui se constituent des usages. et en même temps une disanalogie entre ces pragmata. Voilà, avec ces deux termes, nous avons donc une proposition d'articulation du concept d'être et de pratique qui effectivement obsède, à vrai dire, la pensée philosophique depuis très longtemps, au moins Marx, on va dire, au moins Marx. Mais qui permettrait effectivement de proposer une nouvelle alliance entre des entreprises résolument métaphysiques et, tout à fait sur le même plan, des entreprises résolument empiriques. Voilà ce que je propose pour ouvrir un petit peu la discussion dans tout ça. Merci. Tu peux préciser un point sur agentivité, je t'en ai posé. Oui. Que l'agentivité est extérieure à la valeur. Là, c'est très intéressant de contre-explique beaucoup de. Tu as dit, oui, ce qui éloigne longtemps des gens, c'est la réaction exactement de James précédemment, c'était un inquiétude. On allait retrouver cette même séparation. Ce n'est pas vrai de James, mais c'est ça, c'est pas vrai. Que ça donne particulier parce qu'il a été introduit souvent par Rorty. Oui, je ne sais pas, même Rorty est moins. Mais c'est vrai que par exemple, Rorty tend vers une ontologie de la praxis, oui, mais au bout du compte. Ceux qui ont l'effet d'écran de Rorty. C'est très important, pas enfin, vraiment en tout cas, ou de sœurs et des autres. Donc c'est quoi l'agent est extérieur à la valeur. Oui, je crois que c'est ça qui définit en fait le concept de pratique dans son usage comme ça, à la fois polémique et même scientifique. C'est l'idée selon laquelle on va trouver effectivement, il faut descendre, c'est la séparation de l'utilisé et de l'utilisateur, comme une sorte de modèle en vérité du rapport aux valeurs. C'est comme si les valeurs étaient effectivement des choses qu'on pourrait considérer comme une sorte de boîte noire, mais que on le voit très bien chez Wittgenstein d'ailleurs. Une mauvaise interprétation de Wittgenstein, c'est-à-dire ne cherchez pas à entrer dans la boîte noire du sens, traitez en fait un énoncé comme un bloc rectangle noir, et essayez d'étudier l'ensemble des manières dont il circule, c'est-à-dire en fait dont il est utilisé par des agents qui sont extérieurs à lui. Et qu'est-ce qu'on va dire là? Effectivement, on va introduire un élément qui est au fond quelque chose de l'ordre, en fait, de l'ordre du sujet. Donc ça marche pour la critique que tu ferais, la pragmatique du discours. Oui, ça marche beaucoup pour la pragmatique du discours qui sépare effectivement la constitution de la valeur elle-même. D'accord. De l'usage de ces valeurs. Tant qu'on fait ça, on n'est pas dans les pratiques. Super important. Les pratiques de la langue, c'est parler. C'est pas faire autre chose que parler. De la même manière que la pratique du droit, c'est faire du droit, etc. Donc je crois que la tentation pragmatique, c'était ce que tu as très bien d'ailleurs dit, je crois, hein, c'est descendre en deçà des valeurs, dans un socle, effectivement, dans lequel on n'a pas besoin de rentrer dans les valeurs. Puisqu'il suffit de regarder comment elles circulent, et surtout, au fond, comment elles sont utilisées, donc, par des sortes d'agents. Et la notion d'agent qui en fait est problématique ici. D'où l'importance d'ailleurs d'un autre thème que Daphné signalait, c'est-à-dire que dépasser l'opposition, disons, des agents et des non-agents, est crucial en fait pour redéfinir le statut de la pratique. C'est pour ça que ça peut marcher. Parce qu'effectivement, il y a moyen aujourd'hui de sortir d'une conception de l'agent face à son monde. D'un côté des agents et d'un autre côté des choses qui sont les instruments des agents, enfin les objets des agents. Donc généraliser l'agentivité, c'est une sorte de condition préalable, et d'ailleurs c'est un peu les deux voies. Soit vous généralisez l'agentivité, c'est ce que tu as fait, au fond, c'est un geste pour lequel tu as commencé, soit effectivement on est ma tentation structuraliste souvent m'appelait, je me rends compte qu'au fond c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on refusait entièrement l'agentivité, c'est-à-dire on disait il n'y a pas d'usager, il n'y a que des usages. Les usages sont des genres d'êtres, les usages sont des êtres. Les usages, c'est comme les valeurs de futur, c'est parler, c'est fait, c'est pas utiliser la langue, c'est répéter un usage. Et bon, les usages sont des us et coutumes. On fait ce qui se fait, on est dans l'usage. Parler, c'est être dans l'usage. Et j'ai l'impression que ces deux choses sont identiques. Mais bon, identiques sous la forme d'un fer à cheval. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on voit bien à travers vos deux exposés la nécessité de décrire une pratique dans les termes mêmes de cette pratique, dans son mode d'être propre, et du coup l'insatisfaction qu'on peut avoir vis-à-vis du concept classique de pratique, de pratique, hein, tel qu'on l'oppose à la théorie. Du coup, il nous reste environ une demi-heure pour discuter. Donc, s'il y a des questions, on vous en prie. Ouais. Je vais peut-être lancer la machine en posant une question tout simple. Très vite. Ah, il y avait une question. Je voulais réagir aux deux exposés qui m'ont semblé effectivement moins opposés qu'ils pouvaient l'apparaître immédiatement. Bon, en proposant peut-être quelque chose comme une médiation. Ce que je retiens des deux exposés, c'est qu'un concept de pratique avec un contraire, effectivement, ça ne me va vraiment pas du tout. Et il me semble que vous vous orientiez tous les deux d'une manière différente, mais tous les deux vers une pratique qui a sa propre réflexivité, qui a sa double réflexive, donc qui s'explicite dans son propre mode. Et pour ma part, je souligne que dans votre premier exemple, vous lancez une suggestion à une danseuse qui peut, dans son geste, en quelque sorte, anticiper le concept qui manque, ou en tout cas, avancer dans cette voie. Et donc on a quelque chose comme, enfin moi ça, je l'ai entendu comme, on a une gestualité qui va vers le concept, et donc qui n'est pas opposé au concept, mais qui là ébauche de la pensée, une pensée avec un sol sensible fort. Et du coup, ça m'a frappé que Patrice, lorsqu'il a voulu en quelque sorte donner une légitimité tout de même à la spéculation, a employé le terme de geste spéculatif. C'est-à-dire que là, effectivement, on est dans un espace, je dirais, en termes médias, entre le corps et la pensée. C'est ça que je vous propose comme passerelle, finalement. Moi, je n'ai pas compris qu'on était en désaccord, parce que simplement, on a eu la différence entre un vrai philosophe et un bricoleur empirique. C'est toujours un peu embêtant quand on est avec Patrick, parce que ses arguments sont beaucoup plus précis et clairs que les miens. Mais sur le point fondamental, je pense que c'est un triple éclairage pour moi. D'abord, une dévastation sur la réalisme spéculatif dont j'ai noté chaque mot avec un délice, parce qu'en fait, je n'étais pas capable de comprendre pourquoi ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Le réalisme spéculatif. C'est-à-dire ça a à voir avec du réalisme. Oui, mais vous partagez évidemment le geste réaliste pour le coup. Oui, mais tout ce que tu as dit sur le fait que ça finit sur le séparé dont on n'a rien à faire, et sur la question de la séparation même, c'est précisément absolument le contraire de ce que c'est que de rencontrer des êtres. Et se préparer à rencontrer des êtres. J'ai juste cette hésitation sur spéculatif, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Parce qu'évidemment, dans la tradition qui nous est commune avec Émilie, Stenger, etc., spéculatif est au contraire le terme positif pour opposer à théorique, et opposé aussi à cette façon de faire de la philosophie, a priori, sans se préparer à rencontrer les êtres. Donc, sans ne se préparer pas à rencontrer les êtres, on est sûr de les rater aussi. Donc, c'est pas tellement les rencontrer, c'est se préparer à les rencontrer. C'est ça, c'est spéculatif. Mais ce que j'ai trouvé tout à fait passionnant, c'est ce que tu dis sur le qui éclaire aussi beaucoup des limites de l'ethnométhodologie, je trouve, qui est quand même très influencée par la théorie pragmatique du langage, qui est cette opposition entre production, enfin, effectuation des valeurs et la définition, effectivement, du mot pratique. Donc là, il y a un point absolument décisif qu'il faut que je médite, mais qui éclaire beaucoup de ce que tu appelais un impasse. Et qui a probablement souffert terriblement le pragmatisme de peur qu'un rôle qui comprend toutes les étapes. Ça, c'est très déterminant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai une toute petite question, très simple. Je suis à la fois ravi et en même temps très inquiet parce que je constate que pour des raisons très fortes, vous arrivez une conclusion terminologique opposée, puisqu'il y en a un qui voulait complètement se débarrasser du concept de pratique, et il y en a un qui le maintient. Donc au final, est-ce qu'on maintient le concept au pluriel, finalement? Est-ce que Bruno, tu serais favorable de maintenir le concept de pratique au pluriel? Moi, je suis favorable au maintien de tous les... on n'est pas là dans un tribunal qui va éliminer les prévalences. C'était juste que j'ai toujours ce problème qui est lié à la philosophie des modes d'existence. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces termes qui ont l'air d'avoir un contraire mais qui en fait n'en ont pas? Si pratique est un terme, il n'a pas de contraire, sauf des contraires comme spéculatif ou mauvais sens, ben, c'est des termes qui engagent dans des directions, c'est comme objet et sujet. C'est-à-dire, c'est des termes dont on ne peut jamais rien faire parce qu'en fait, ils ont des faux contraires. Et donc, on a parlé de subjectivation, s'il y a un truc, on ne peut rien faire avec la subjectivation. C'est précisément d'avoir un opposant qui serait quoi, l'objectivation, le pratico-inerte, on a encore un autre. C'est précisément, c'est toujours utile de se dire, bah, et faisant l'expérience de pensée, de ne pas utiliser ce terme, puisque son contraire est un faux contraire. C'était ça que je voulais dire, mais je comprends l'argument qui est très beau de Patrick, je le comprends, si c'est ça que vous dire pratique, fine. Mais par contre, il n'a pas du tout mentionné ce qui m'intéressait aussi dans l'explicite, qui était la diversité des modes d'explicite. Je pense que vous n'êtes pas d'accord à ce point-là. Mais je pense que, d'un point de vue tout à fait empirique, il y a un traitement à faire de la difficulté ou de l'intérêt ou du manque d'intérêt à utiliser le mot pratique dans les différents terrains. On ne voit pas comment on peut s'en passer dans le sport, effectivement. Un sport théorique, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en science, ça va jouer un rôle différent. En droit, ça va jouer un rôle différent. Qu'est-ce que c'est qu'en religion, c'est quoi la théorie religieuse? Ça s'appelle la théologie, qui a un problème énorme avec la question de ce que c'est que la logie. En fait, il faut interroger toutes les logies, graphies, machin, de toutes les disciplines, praxéologie, etc., qui à chaque fois engagent dans une direction différente. C'est ça que je veux dire, c'est un terme qu'on ne peut absolument pas. Alors, si on pluralise et qu'on parle de pratique, bon, ça veut dire qu'on a plein de difficultés avec ce terme. Mais dans la définition qu'on a donnée Patrice, qui est très belle, je le prends complètement à mon compte, c'est les travaux préparatoires à la rencontre des êtres. Alors, si c'est ça, pratique, super. Moi, la verra, c'est spéculatif. Peu importe le terme est complètement. C'est le terme. Utiliserait de baisse, de guerre, etc. C'est spéculatif au sens où c'est la décision qui permet de se préparer. Attention, les gars, ils vont tomber des ailes, donc il va falloir prendre sérieusement en compte ce qu'ils font. Et c'est pour ça que le mot spéculatif utilisé chez Whitehead a sauvé James de ces expressions qui l'ont toujours collé à la peau, c'est-à-dire cash value, opération, effectivité, etc. Alors que la phrase que tu as dit, qu'est-ce que ça nous fait faire, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que différence ça fait. Le mot faire, ici, est un mot très très puissant de relation ontologique. Mais, et c'est vrai, on ne peut pas le nier non plus, dans l'histoire de la philosophie, il a perdu. Et donc la philosophie sérieuse est précisément toujours la philosophie qui critique ou considère comme une version inférieure de la vérité, inférieure de l'accès à la réalité, inférieure de l'accès à l'ontologie, le pragmatisme. Et donc, il faut bien faire quelque chose au pragmatisme pour qu'il lui redonne sa confiance, mais j'ai bien compris, c'est le sens du séminaire, redonner sa confiance qu'il a un accès à l'ontologie, mais qu'il risque toujours de perdre si on prend le premier sens critique, que j'ai critiqué avec justesse, mais je critique aussi. Du mot pratique. Ça a le sens de ce que je dis. Totalement. Et donc, je suis en train de me dire, en fait, peut-être pour nuancer l'idée sur laquelle il n'y a pas de contraire. La notion de pratique, c'est-à-dire j'ai l'impression quand même que si on essaye de voir concrètement à quoi ça sert, faut essayer de continuer un peu dans ton aspect travaux pratiques, à quoi sert le concept de pratique? Alors je vais témoigner. Moi ça m'a servi le concept de pratique. Pourquoi? Parce que par exemple, je me suis posé la question, en m'intéressant à la linguistique, je me suis posé la question non pas de savoir... Je veux dire, j'étais face à quelqu'un, donc Ferdinand de Saussure, qui introduisait des entités, qu'il appelait des signes, qui ont eu une fortune, comme ça, effectivement, qui ont enthousiasmé, n'est-ce pas, un siècle de structuralisme et de philosophie, notamment française. Et la question que je me suis posée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du refus de la gratuité en matière d'ontologie. C'est-à-dire, justement, contrairement à ces barrières, quelque chose que j'admire beaucoup hein, chez les réalistes spéculatifs, façon Quentin Meillassou, c'est-à-dire. Mais à vrai dire, on trouve ça aussi quand même un petit peu chez Didier Debèze, etc. Mais c'est l'idée selon laquelle, encore une fois, on peut avoir un discours sur ce qui est. Qui est inconditionné, c'est-à-dire conditionné par rien d'autre en fait que par les exigences du concept. On ne sait pas trop ce que c'est, il arrive à certains de dire que c'est la raison pure, enfin, ça, des choses un peu étranges quand même. Et donc, moi, la question que je m'étais posée, c'est on n'a pas le droit, en gros, d'introduire des entités comme ça gratuitement. On a le droit, mais ça ne m'intéresse pas, on va dire ici. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se mettre à spéculer sur des entités purement différentielles. Comme ça, on n'a pas le droit. Et donc, c'est le principe de parcimonie, c'est bon ça ? Ça me fait penser à une espèce de nouveau principe de parcimonie. Mais il y a un principe, mais moi j'appelle ça matérialisme, à vrai dire. J'appelle ça un principe matérialiste, c'est-à-dire effectivement antidogmatique, et qui dit on ne peut pas poser les êtres comme ça uniquement parce qu'effectivement ils sont pensables et qu'ils sont jubilatoires même à penser, à vrai dire. C'est possible. En fait, on n'a pas le droit, donc il y a une sorte de, de responsabilité ontologique. C'est une activité sérieuse, l'ontologie, c'est une activité nécessaire, etc. Mais encore une fois, je veux dire que j'admire comme une sorte de tentateur terrible, enfin, les vrais spéculatifs comme Quentin Meillassou, quoi. Je l'admire comme disant, c'est formidable. C'est le type qui rentre effectivement dans sa tour, et qui dit, mais dans cette tour, séparée, j'ai le droit. J'ai tous les droits. Les droits de la pensée sont totaux, il n'y a aucune limite. Et je vais construire des univers, effectivement, spéculatifs. Bon, et même moi, mon sentiment, c'est qu'on n'a pas le droit. Mais moi, on n'a pas le droit, et ça, c'est ce que j'appelle la thèse philosophique. On n'a pas le droit. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et la deuxième, la thèse méthodologique, c'est et il ne faut pas le faire parce qu'il y a autre chose à faire, qui est beaucoup plus intéressant, qui est justement de voir, c'est ce que tu fais, c'est de voir qu'en réalité, on a déjà énormément, je dirais, d'ontologie naturelle. Permanence, on est tout le temps dans des conflits ontologiques, on en a beaucoup. Et donc l'ontologie doit intervenir aussi, avant tout à ce niveau-là. Et donc dans mon cas, en l'occurrence, j'ai voulu savoir ce qui, dans la pratique des gens qui s'intéressaient au langage pour en faire ce qu'ils appelaient un objet de science, après tout, peu importe, enfin, ce que eux voulaient faire, dans leur pratique, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient conduits à avoir des problèmes de type ontologique ? Et ça, c'est utile parce que ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire que je suis passé, par exemple, la théorie du phonème. Il y a des théories du phonème, alors vous expliquez que le phonème, il y a même des débats théoriques sur le phonème, à des choses vraiment pratiques, c'est-à-dire comment est-ce que le test de commutation, en phonologie, qui effectivement permet... ou plus exactement, un problème pratique qui est tout simplement la description d'un fait de langage. La description d'un fait de langage, c'est-à-dire encore plus pratique, il y a une écriture phonétique. La mise en place des écritures phonétiques pour observer les différents parlers français, lituanien, etc. Enfin, les différents parlers du français, etc. Donc l'écriture phonétique, eh bien, cet acte pratique, qui n'a aucune ambition dogmatique, ontologique, c'est pas du tout la même chose, malgré tout, que la théorie linguistique. La sociologie des sciences, on sait que ça. Le réflexe, la belle. Voilà, mais en même temps, ça se revendique pas de. Voilà, c'est la sociologie des sciences dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est la sociologie des sciences qui a déjà, parce que de fait, elle l'a fait, comme tu dis, qui a déjà largement, au fond, abandonné l'idée selon laquelle on va s'intéresser aux agents et à la manière dont ils utilisent certaines choses. Ça amène à un point, ça. Ouais. Parce qu'il y a une autre entrée dont on n'a pas du tout discuté. Dans l'introduction, mais qui, je ne sais pas si elle est dans le séminaire, mais qui est évidemment d'aller chercher l'autre ressource, là on parle de témoignage, puisque vous avez fait la pratique, l'autre source, la deuxième mamelle que j'ai sucée, la première c'est l'étymologie, la deuxième c'est la sémiotique de Prémat, où il y a une notion d'actant, qui m'a, de nouveau, que j'ai usé et abusé. Or, la notion d'actant permet de retrouver des pratiques, mais cette fois-ci, complètement en dehors du réalisme sociologique qui vient souvent à la notion pratique, en particulier en sociolinguistique, et qui a été, à mon avis, extraordinairement utile pour réouvrir à la description des cantons entiers, en particulier des textes scientifiques, mais aussi des textes littéraires. Donc il y a une entrée d'un mot actant, action, etc., avec toutes les limites du vocabulaire d'un sens désuet. De la sémiotique de Prémat, c'est aussi une entrée très puissante dans toutes les questions. Alors sur les rituels, de toute façon, ce qu'on traite, c'est très souvent des récits, des rituels. C'est assez rare de retraiter des rituels, à moins de les faire en vrai, comme le fait notre ami anthropologue ici même. Donc c'est un... Je pense l'entrée par la sémiotique. Et la notion d'actant est une autre façon de faire le boulot de multiplication des agents. Il y a un lien direct entre actant et agent. Exactement, parce qu'en fait, ce qui permet l'actant, c'est de déréaliser l'agent. C'est ça qui permet, c'est qu'il permet de ne plus prendre au sérieux l'idée de dire il y a vraiment des agents derrière qui font vraiment. Ça, c'est le point que, quand même, le pragmatisme et l'ethnomédiologie étaient paralysés par l'idée qu'il y a quand même un réel sociologique dans la sociolinguistique, utilisée, la sociopragmatique utilisée par l'ethnomédiologie, dont la sémiotique, en tout cas, dans mon cas, m'a complètement débarrassé. Donc, ce n'est pas l'appel à la pratique, là, c'est l'appel à la sémiotique. Mais encore une fois, la sémiotique, la parole, elle est très bien. Et donc, c'est pour ça que, pour répondre à la question de Pierre Laurent, je ne suis pas sûr que si on doit voter à la fin, je vote pour le maintien de la notion de pratique. Parce que, par contre, la manière, tu vois, c'est, par contre, une notion qui déréalise la notion d'agent, ça c'est bien. Parce que ça la redonne toutes les puissances derrière qui composent, particulièrement dans toutes les questions qui s'intéressent à la subjectivation. C'est dur, dès qu'on a une notion de pratique, hein, chez les pauvres sociologues que nous sommes, naturellement pas les philosophes, mais il y a un réalisme sociologique qui va venir coller très vite. Donc il y a des types qui parlent, qui sont dans un monde social, avec un monde naturel, avec des objets, des valeurs, etc. Et ça, c'est dur à résister. Parce que si on traite des actants, on est libéré de toutes les possibilités, de tous les dangers du réalisme. C'est ça, donc la pratique peut être prise comme un élément du grand diviseur. Donc là, il y a la pratique d'un côté et puis effectivement les valeurs de l'autre. Ça, c'est le mauvais sens. Ça, c'est le mauvais sens, effectivement. On cherche toujours un bon sens. Mais il y a l'autre solution qui est la pratique n'a pas de contraire. Et moi, je pense que la pratique a des contraires. Et la contraire de la pratique, c'est. C'est par exemple les théories linguistiques dont je parlais. Ou aussi, à vrai dire, c'est la pratique au mauvais sens. C'est pas la pratique au mauvais sens. En prenant la littérature, mais c'est quand même un opérateur qui discrimine des cas. Prenons la littérature. J'ai travaillé récemment sur le formalisme en littérature, et on trouve exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que, en fait, on trouve des gens qui ont des interrogations ontologiques sur ce qu'ils appellent en fait littérature. L'objet littéraire leur semble une entité particulièrement mystérieuse, etc. Et évidemment, si on se tient à leur théorie de la littérature, c'est-à-dire ce qu'ils vont dire sur la théorie de la littérature, on ne va pas réussir à comprendre effectivement quels sont les lieux de la crise ontologique qu'il y a là. Donc quand même, le concept de pratique a une vertu discriminante. Et cette vertu discriminante, c'est de dire, quels sont les problèmes, non pas donc, c'est possible. Oui, mais ne faites pas semblant d'être de mauvais philosophes. Soyez des vrais foncés. Non, elle dit regardez par exemple pourquoi Khlebnikov et Krouchenik en Russie en 1909 ont eu besoin, pour des raisons qui s'est liées à des problèmes de versification, peu importe, des formalistes russes des débuts du siècle, ont eu besoin pour régler des problèmes de versification de provoquer cette crise ontologique. Oui, mais que tu critiques là, c'est une chose qu'on connaît bien dans l'école de la politique, c'est pas que les artistes ne font pas de bonnes théories, c'est qu'ils risquent de dire ce qu'ils appellent théorie est souvent emprunté précisément à une façon de théoriser la philosophie. Oui, mais il n'y a pas qu'est-ce qu'on veut. Même si eux ne faisaient pas de théorie, Jacobson fait la théorie de la chose, et ce qui est intéressant, c'est pas la théorie qu'il fait, c'est. Qu'est-ce que c'est que la pratique ? Mais non, mais vas-y. Non, j'étais sur le. Pont aux arts, parce que dès que la pratique théorique et la théorie de la pratique, j'en peux presque. On revient en arrière. Je pense aux pratiques théoriques. Alors là, on est d'accord. Est-ce qu'il nous reste à peu près 5 petites minutes? Est-ce qu'il y a une question qui a émergé? On va voter à la fin. Question pratique. Question pratique. Un lieu de vote ici, visiblement. C'est vrai. On peut voter. Ah oui, on peut voter en plus. Ouais. Merci. Je voudrais juste signaler un point, parce que dans la présentation que Pierre Laurent a fait, l'expression de quatrième colonne a pu paraître un peu obscure à certains. Donc il s'agit de l'enregistrable, on cherche toujours des participants à votre enquête, et le fait que ce soit une enquête est très important, c'est la vérité, c'est la vérification et la suite de ce qui se passe. Donc, on va parler d'une enquête sur les modes d'existence. Cette enquête de modes d'existence a construit un dispositif pour rendre la fortune critique de l'argument discutable collectivement. Et donc il y a un site, www.existence.org, qui permet d'obtenir l'apparat critique que vous n'avez pas dans le livre papier, ça c'est un élément important avec plein de choses. Et ensuite, on commence, grâce à la houlette de Pierre, la partie contribution, avec une échéance, je signale l'échéance est assez rapprochée, c'est pour ça que je permets, et ou 2014, pour le rendu des restitutions et de la modification des arguments initiaux. C'est assez rare en philosophie qu'on fasse cette pratique, mais c'est la philosophie pratique tout le temps. Non, on a dit qu'on utilisait plus pratique. De la philosophie spéculative, on dirait. Non, non, on n'utilise pas du plus ce qu'on dit. Alors, c'est la philosophie expérimentale. Donc, si vous voulez participer, c'est très important. Et par exemple, je pense que nous allons faire avec Pierre une révision complète de son livre sur le bon pratique, de la deuxième colonne. Ah, d'accord. Merci, donc, Patrice, c'est merci aux